jouant. Info sur dreamland.be. Dreamland est ouvert ce dimanche de 13 à 17h. Joyeuses fêtes! Vous écoutez Vivacité, il est 10h. Le journal avec Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Après le meuble de Salah Abdeslam, voici le buisson d'Abdelhamid Abaoud. 5 semaines après les attentats de Paris, on en sait un peu plus sur la traque d'Abaoud. Selon le journal Le Parisien, le cerveau présumé de la tuerie se serait caché 4 jours et 3 nuits dans des buissons, Simon Gérard. Oui, Abaoud a vécu comme un SDF visiblement dans une zone d'entrepôt en banlieue parisienne. Il s'y est réfugié quelques jours seulement après les attentats. Alors Simon, comment les enquêteurs ont su qu'Abaoud se cachait là? Grâce à un témoignage, mais les policiers veulent le voir pour y croire. Tout le monde pense évidemment qu'Abaoud est en Syrie, à 4000 km de là. Les enquêteurs installent donc une caméra et le 17 novembre à 20h13 précise, plus aucun doute, un homme avec un bonnet sort des buissons, c'est Abdelhamid Abaoud. Alors la question, c'est pourquoi les enquêteurs ne l'arrêtent pas à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, Abaoud porte un gilet fermé. Les policiers ont peur qu'il cache une ceinture explosive. Puis les enquêteurs veulent remonter la filière, interpeller donc d'éventuels complices. Ils prennent donc Abaoud en filature. Elle se terminera, vous le savez, à Saint-Denis, dans un déluge de feu. Et toujours selon Le Parisien, les attentats de Paris ont été suivis en direct depuis la Belgique. Oui, les policiers ont inspecté la téléphonie des terroristes. Des appels, des SMS ont été envoyés à des numéros belges au moment de la tuerie. Les policiers ont découvert aussi que le fameux Jawad, l'hébergeur de Saint-Denis, eh bien Jawad a été aussi en contact avec des numéros belges 10 jours avant les attentats. Merci pour ces précisions, Simon Gérard. Atterrissage d'urgence ce matin pour un avion d'Air France. L'avion qui reliait l'île Maurice à Paris s'est posé à Mombasa au Kenya. Alors pourquoi cet atterrissage d'urgence? Eh bien parce qu'un objet suspect a été retrouvé dans les toilettes de l'avion. Le Boeing 777 qui avait 459 passagers et 14 membres d'équipage à son bord a pu être évacué sans mal. Des experts artificiers ont récupéré l'engin et ils déterminent en ce moment si ses composants contiennent des explosifs. Les bureaux de vote ont ouvert en Espagne. Près de 36 millions d'Espagnols votent des législatives à l'issue incertaine. Les partis traditionnels ont de nouveaux adversaires, 2 nouveaux partis, le libéral Ciudadanos et Podemos de la gauche radicale. Conséquence, eh bien, le parti populaire, le parti de droite au pouvoir depuis 2011, pourrait perdre sa majorité absolue, voire carrément le pouvoir. En sport, football, un choc, le dernier de l'année. Il aura lieu aujourd'hui entre Bruges et Anderlecht au stade Yann Bredel. Les Brugeois comptent 3 points d'avance sur les Bruxellois. La pression est donc grande sur les deux équipes, mais pour Hugo Broos, ancien joueur et entraîneur des deux équipes, la pression est surtout sur les épaules des Mauves. C'est encore plus important pour Anderlecht que pour Bruges, parce que ok, Bruges, ils ont perdu la dernière fois, le dernier match au Standard, mais pour le reste, ils ont fait un bon parcours. De l'autre côté, vous avez naturellement Anderlecht qui a des bons matchs, mais surtout, surtout des moins bons matchs. Si Anderlecht perd le match de dimanche, il y a déjà un grand écart avec Gand, par exemple. Je pense qu'il y a 9 points de différence déjà. Dans ce sens-là, c'est très important pour Anderlecht qui perd surtout pas le match. 9 points, c'est beaucoup. Alors là, Anderlecht doit certainement faire attention que la différence entre eux ne sera pas plus grande au début des play-offs. Des propos recueillis par Anthony Rio. Coup d'envoi du match à 14h30 et puis dans les autres matchs, à 18h, le Standard se déplace à Ostende et enfin, à 20h, la Gantoise reçoit Courtrai en match de clôture. C'est la fin de ces informations. Tout de suite, on retrouve Sarah Depadua. Merci Julie, à tout à l'heure. RTBF Mobile Info avec David Godefroy. Bonjour David. Bonjour Sarah. Et une circulation plutôt calme, sauf à l'approche de l'aéroport de Zaventem sur la 201 Bruxelles-Zaventem. Et puis un automobiliste nous a contacté pour nous signaler 2 contrôles de vitesse sur le 40 Bruxelles-Liège. Levez donc le pied. Le premier se situe entre Louvain et Tirlemont, le second entre Landen et Fex. Encore des embûches sur la route? Heureusement qu'il y a des bûches de Noël au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Envie Envie de faire votre shopping cadeau tranquillement chez vous? Rendez-vous sur kitchenmarket.be, surfez, cliquez, c'est livré. Des idées plein la cuisine. Viva for life. Viva for life. De 10h à 14h avec Sarah Depadua. Bonjour à tous, bon dimanche tout le monde, bon dimanche chez vous, bienvenue, c'est Viva for Life, jour J plus 3. On est là encore pendant 3 jours pour se mobiliser avec un mot d'ordre ce matin et pour toute la journée, faites-vous du bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand on fait un don, on se sent bien, quand on donne, ça fait du bien. Alors pour vous sentir bien, faites un don. On vous rappelle aussi qu'à partir de 40 euros, vos dons sont déductibles fiscalement, ce qui veut dire que vous retoucherez pas loin de la moitié. Ça aussi, ça fait un bien fou évidemment. Et pour faire un don, il y a le call center Enalo, c'est le 0800 30 007, ou sur vivaforlife.be. Et puis choisissez-nous aussi de la toute bonne musique. C'est le Viva for Life, c'est vous qui avez les commandes de Vivacité encore pendant 3 jours. Profitez-en, faites-vous plaisir aussi. La musique que vous aimez, partagez-la. C'est Viva for Life. Viva for Life. Et c'est la meilleure, Tina Turner, The Best, Jean-Paul à Vedrin, 40 euros, ben bien ça. Pour Viva for Life, Tina Turner. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a life. C'est vous qui êtes généreux, continuez comme ça, go, go, go, go, avec un seul objectif, faire exploser le compteur, on compte sur vous. Vous nous suivez jour et nuit parfois sur Vivacité ou via le Life Center, vivaforlife.be. Viva for Life, ce sont aussi les défis. Virginie Van Quali nous a rejoint. Bonjour Virginie. Bonjour. Et ce dimanche, ça va marcher ferme. Oui, ça va marcher, ça va marcher beaucoup. C'est vrai que certains, depuis 8h du matin jusqu'à midi, il y a une marche qui est organisée de 4 ou 7 km dans les terrils de Dampremy et Marchienne d'Aucherie. Donc c'est dans la région de Charleroi, c'est ici tout près. Prix 2 euros pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Une chouette activité pour un dimanche matin au profit, évidemment, de Viva for Life. Alors il y en a qui ont vu plus grand, figurez-vous, puisque 8 marcheurs ont décidé de prendre la route très tôt ce matin, vers 5h, depuis Dinan, pour venir nous rejoindre ici ce soir. Dinan, Charleroi, place de la Digue. Waouh! Plus ou moins 65 km. C'est quand même une solide trotte, hein, on peut le dire. Un défi un peu fou, dont on va d'ailleurs prendre des nouvelles avec un des marcheurs, les Fou Day Voy. Ils portent bien leur nom sur le coup, je trouve. Et c'est Guy qui est avec nous normalement. Bonjour Guy. Bonjour Virginie. Comment allez-vous bien? Ça va très bien. Ça nous avons de l'avance sur notre sur le planning. Timing. Ah, mais ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Nous arrivons déjà à Mété. Donc, on a déjà fait 28 km. Ah oui, bravo. Je le rappelle, à 5h du matin de la citadelle de Dinan. Nous comptons arriver au cube de verre vers 18h. D'accord. On va devoir freiner, je pense, pour arriver un petit peu plus tard. D'accord. Bah, on vous attend et buvez un coup. De pied ferme. Le moral est bon? Boire un coup, c'est peut-être pas le moment. De l'eau, hein, de l'eau, de l'eau, de l'eau. On va attendre ce soir pour boire un coup. Est-ce que le moral est bon? Le moral est excellent. Le temps est de la partie. C'est génial. C'est vraiment super. Les paysages sont beaux. On ne rencontre pas beaucoup de monde sur le Ravel aujourd'hui. C'est assez étonnant, d'ailleurs, par le temps qu'il fait. Il est encore fort tôt. Les cyclistes, on n'en voit pas. D'accord. On essaye de trouver encore des généreux donateurs, mais on n'en voit pas non plus. Bah écoutez, on sait qu'on peut vous pas soutenir en tous les cas sur la plateforme de dons via le site vivaforlife.be et on continuera à prendre des nouvelles de votre randonnée courage. Tout au long de la journée. Courage Guy, et à tout à l'heure. Merci. Alors, si tout ce sport vous donne faim, Adrien Jovenot vous donnait rendez-vous ce matin sur la Grand Place de Bruxelles pour le brunch des Belges du bout du monde. Il y avait avec des croissants. George. Oui, avec des croissants. Je pense qu'il y avait des croissants. Il y avait Grand Georges aussi pour chanter. Et donc, il y a plein de choses qui se passent un petit peu partout. Un petit peu partout. Et ici aussi, juste à côté du studio de Verre, Place de la Digue, avec un grand tournoi de kicker. Oui, un grand tournoi de baby-foot géant. Exact. Plusieurs équipes vont s'affronter cet après-midi dès 13h30. Et la meilleure d'entre elles jouera la finale contre l'équipe des Zèbres de Charleroi qui sont prévus pour venir nous faire une petite surprise tout à l'heure aussi. Dès 11h, sachez que jusqu'à 18h, notre partenaire Solidaris occupera un chalet sur la place pour y vendre des jouets de seconde main. Mm-hmm. Donc c'est le bon plan peut-être pour les fêtes, encore tout ça au profit du Viva for Life. Et puis on a parlé que de ça la semaine dernière, Sarah, la sortie du dernier Star Wars. Eh bien sachez que cet après-midi à 15h à Flagey à Bruxelles, les meilleurs passages des 6 premiers épisodes du chef-d'œuvre cinématographique seront interprétés par l'orchestre du Bruxelles Philharmonie en soutien à Viva for Life avec Musique 3. Ce sera un grand concert de musique du film dédié à Star Wars et les bénéfices là aussi seront intégralement reversés à l'opération. Plein de belles choses et encore une fois, ben merci pour tout ce que vous faites. C'est aussi grâce à vous que cette opération est un succès. Bravo, bravo, plus de 150 projets au minimum de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Parce qu'après, tous ceux qu'on donne même évidemment. Et c'est partout, à Bruxelles, en Wallonie, franchement, chapeau, allez, on va y arriver, non? Moi, je me dis, on est dimanche, c'est jusqu'à mercredi soir, on va y arriver. On va faire péter ce compteur. Plus de 2 millions, 103 000 et quelque chose. On compte sur vous. On marque une pause et puis Adèle va nous dire bonjour aussi. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depadua, Sébastien Delvaux et Cyril, de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télé-Sambre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télé-Sambre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi, sur Vivacité, la Une, Télé-Sambre et vivaforlife.be. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de freesia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Pour les fêtes de fin d'année, choisissez les produits frais de Lidl. Et voilà, la dinde farcie aux petits légumes. Parce que dans 2 mois au ski, ce sera... Raclette, tartiflette, genépi, fondue, saucisson, charcuterie, relochon, raclette, pizza et frites et tartiflette. Donc pendant les fêtes, préparez de bons plats à votre famille. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. et nous retrouvons le Père Noël en direct de son chalet. Voyons voir cette lettre. Tiens, encore un qui voudrait un smartphone. Oui, mais lequel? Il y en a des dizaines. Bon, va falloir que je demande conseil à mon vendeur Krefel. Avec lui, je suis sûr de ne faire que des heureux. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Pour les fêtes de fin d'année, inutile de faire la file pour bénéficier des prix les plus bas du marché. Venez chez Red Market tout simplement. Grâce à notre carte de vœux distribuée aux caisses au bénéfice de Viva for Life, vous économiserez jusqu'à 15 euros de plus. Et vous soutiendrez avec nous les plus démunis grâce à l'action Viva for Life. Red Market, les courses à grande vitesse, moins chères et solidaires. Si vous fréquentez la Batte ou le marché de Chénet, vous risquez de faire de curieuses rencontres. Oui, le Père Noël y descendra en personne, les bras chargés de surprises à distribuer aux petits et grands enfants. Notez bien, le Père Noël sera sur la Batte dimanche 20 décembre et au marché de Chénet mardi 22 décembre. Une initiative de l'échevinat du développement économique de la ville de Liège. Salut Cyril, alors c'est toi le petit nouveau? Eh ben super, hein, on est vraiment tous fiers de toi, bravo. Beauty City. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région. Toutes les plus grandes marques, des centaines d'idées cadeaux, de nombreux soins en institut dans un cadre convivial et professionnel. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région, avenue François Cornès à Aiwai. C'est un anniversaire éclatant pour la ville de Liège. Voici 11 ans, s'ouvrait chez Sélection au passage Le Mounier, la superbe boutique Swarovski, le magicien du cristal. Swarovski, ce sont des bijoux, des montres et bien sûr de merveilleux sujets de cristal. Swarovski, c'est mille et une idées de cadeaux scintillants à ne pas manquer chez Sélection. Passage Le Mounier, au cœur de Liège. Edith est avec nous. Bonjour Edith. Oui, bonjour Sarah. Bonjour, vous êtes à Molenbeek. Oui, c'est ça. Et il y a quoi de prévu ce dimanche? Je vais voir de la famille et des petits-enfants. C'est ça, le dimanche aussi. En plus, c'est dimanche juste avant Noël, donc ça fait du bien, on est tous ensemble. Edith, vous avez participé à la cause, vous êtes passée via le call center 0800 30 00 ou via le site internet? Non, j'ai fait ça par internet. Internet et 40 euros au profit de Via for Life. C'est bien, Edith, c'est déductible en plus fiscalement, donc vous faites vraiment une bonne opération. Vous êtes grand-mère, Edith, vous êtes maman, j'imagine. Je suis grand-mère, oui, j'ai 5 petits-enfants. 5 petits-enfants, et c'est pour ça que vous avez décidé de participer à la cause, évidemment. Oui, c'est une opération, je trouve, importante dans l'état actuel des choses. Vous avez choisi Adèle, est-ce que c'est pour l'un d'entre eux en particulier? Non, je trouve qu'elle a une voix qui me parle. Et qui nous parle à tous. On vous embrasse, oui. Edith. Gros bisous du côté de Molenbeek. Merci beaucoup. Merci pour votre générosité. Et bonne chance à tous. Merci, merci. Je transmets aux garçons. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, bien for life à sa manière. C'est Hello Adèle qui nous dit bonjour ce dimanche matin. On est là en direct de Place de la Digue à Charleroi avec de nombreuses personnes qui viennent nous rendre visite. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Comment vous vous appelez? Mélinda. Mélinda, et vous avez une grande enveloppe avec vous. Une jolie enveloppe, oui. Et qui a-t-il écrit dessus? Viva for Life 2015, vente de biscuits en collaboration avec ma boulangerie, la petite boulangerie de Namur. Mm-hmm. Et on a récolté la belle somme de 500 euros. 500 euros. Comme quoi Namur vient aussi à Charleroi et c'est ça la magie de Viva for Life aussi. Vous êtes nombreux à venir nous rejoindre. Bravo, félicitations. Merci. 500 euros, c'est une très très belle somme. Gros bisous. Et il y a un panda qui s'invite aussi du côté de la boîte aux lettres. Bonjour panda. Et lui, il vient de Paris. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah. Vous avez envie de venir nous dire quelque chose ce matin? Oui, déjà nous venons de Ciney. Mm-hmm. On est fans depuis la première année. Je suis venue avec mon banquier. Et nous fêtons en même temps les 40 ans de mon mari qui est derrière. 40 ans. Et alors nous allons lui mettre la banque, notre banquier va lui mettre 40 euros. 40 euros pour les 40 ans de Stéphane. Excellent. Un bon anniversaire à lui. Il est où Stéphane? C'est aujourd'hui? Stéphane, le jour J. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Stéphane. Joyeux anniversaire. Il se cache, on le voit pas trop. Je suis sûre qu'il fait passer 40 ans. C'est pas grave Stéphane, ça va aller. Ça va d'aller. 40 c'est pas beaucoup. Et un petit panda pour vous mettre sur la table. Ah ben génial, merci. Je sais pas où je le mets. Merci, on va essayer de le passer par la boîte. Si pas non, il va s'étrangler. Voilà. On va aller chercher. Merci, gros bisous. Bisous tout le monde. Achetez les maracas Viva for Life Belfius et faites-vous entendre pour les enfants défavorisés. Belfius, nous nous engageons à 100% pour Viva for Life. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupré et à Teux. Biofagne.be. Chérie, non. Arrête ça tout de suite. C'est super bon. Excellent. Ah, c'est pareil tous les dimanches. Non. Repose-le maintenant. Encore une page. Allez, juste une. Cet dimanche, votre journal riche en infos croustillantes, actu, people, résultats sportifs et tous les bons plans évasion du dimanche. Gratuit en boulangerie et commerce de proximité. Cet dimanche, le journal qui se dévore. Voler dans l'eau, c'est pas possible. Bien sûr qu'on peut voler dans l'eau. C'est ça, sur la Lune. Mais non, Aqualibi avec le Flash, le nouveau toboggan qui part en chute libre. Allez, on y va. Ouais. Osez la chute libre aquatique. Découvrez le nouveau toboggan Flash à Aqualibi. Aqualibi soutient tous les enfants. 1 euro par ticket sera reversé à Viva for Life. Aqualibi, un monde d'aquasensations. Attention, un mal au genou chez une femme peut taper sur les nerfs de son homme. Chou, tu peux ramasser mon stylo? Bien sûr, ma chérie. Tu peux ramasser ma boucle d'oreille? Oui, ma chérie. Tu peux ramasser mes clés? Oui. Oh, mais c'est bien ça, mon fifi. Chou! Non, ça je ramasse pas. Heureusement, en cas d'inflammation douloureuse des articulations, il y a Voltaren Emulgel Forte. Deux fois plus concentré que Voltaren Emulgel 1%. Il suffit de l'appliquer une fois toutes les 12 heures pour soulager votre douleur durablement. Médicament au diclofénac, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne pas utiliser en dessous de 14 ans sur une peau abîmée en cas d'hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou lors de la grossesse. Lisez attentivement la notice. Le Spar de Lucie. Waouh, Lucie, mais tu t'es mise sur ton 31, tu es magnifique. Oh, merci. C'est juste mes cheveux, tu sais, puis une petite robe de soirée. Il manque juste le repas de fête. Eh ben voilà, ta commande est prête. Ah, oh, merci Anne. Dis donc, tu mets moins de temps à la préparer que moi à maquiller, je crois. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Même pendant les fêtes. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Des coiffes, et si des si, Thunderstruck, c'est le choix de Tim, Tim Private. Alors c'est marrant parce que Tim travaille pour le web, pour nous, pour Viva for Life. C'est dans le bâtiment juste à côté, il nous dit, par ce dimanche matin, on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus fort que du café noir pour nous réveiller, pour aller travailler. Et c'est pour ma voisine du SMS, on TV, ça lui fera plaisir. Et comme quoi, ça aussi c'est sympa, c'est Viva for Life. C'est toute l'équipe qui se mobilise, vous êtes nombreux aussi, les membres de l'équipe, à mettre des sous dans la boîte aux lettres, à faire un don via le call center ou alors passer par le site vivaforlife.be. joyeux, à laisser une dédicace et à mettre de la bonne musique, la musique que vous aimez. Vous aussi, faites-en de même à la maison. C'est dimanche, on a du cœur, forcément on pense à la famille. Et on est quelques jours avant Noël, donc mobilisez-vous. 0800 30 007, là aussi ils sont nombreux, ils sont bénévoles, ils sont là pour décrocher vos appels. Ou alors passez via vivaforlife.be, laissez une dédicace. La musique a du cœur, c'est Viva for Life jusqu'à mercredi soir. On compte sur vous. Vous n'êtes pas trop musique, vous laissez plutôt faire. Rendez-vous par SMS aussi, c'est le 4001, c'est gratuit. Votre numéro de compte, un espace et puis le montant que vous voulez verser à Viva for Life. Ou alors 8 x 0, 37, 37. On va faire ça tous ensemble. Daniel Balavoine. Les coups de poing dans l'âme, le froid de la lame qui court. Chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Je monte sur scène comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qu'il faut pour toucher les femmes qui me tendent les mains, qui me crient qu'elles m'aiment et dont je ne sais rien. Chantez vous aussi à la maison ou dans la voiture. Daniel Balavoine, le choix de Janine à Onguien. 30 euros pour l'opération. Janine, elle aussi, s'est dit 80 000 euros. 80 000 enfants qui vivent chez nous dans la pauvreté. C'est beaucoup trop et donc il faut se mobiliser. Merci Janine et faites-en de même. 0800 30 007 ou sur vivaforlife.be. On est là pour ça jusqu'à mercredi bonjour, soir. Bonjour, bonjour mesdames. Nous sommes vos vendeurs. tout à vos corps et âmes pour faire votre bonheur. Les enchères de Viva for Life. C'est une façon de participer aussi à notre cause, d'acheter des objets aux enchères. Il ne vous reste que quelques heures pour enchérir sur une partie de notre collection. Oui, on peut parler de collector. Le maillot dédicacé des Diables Rouges qui atteint en ce moment 601 euros. Ça vaut plus. Il est signé par la main de nos diables. Il est rouge. Forcément, c'est le maillot des diables. Rendez-vous sur vivaforlife.be pour surenchérir. Le maillot dédicacé de Jérémy Perbet, c'est l'attaquant du Sporting de Charleroi qui a pour le moment preneur pour 250 euros. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Le disque de platine de Christine and the Queens pourrait partir pour 510 euros. Et puis le disque de platine dédicacé de Louane, 700 euros. Pour enchérir, surenchérir, rendez-vous sur le site vivaforlife.be ou sur le site deuxièmemain.be. On compte sur vous, ce sont des très beaux objets collector et peut-être chez vous, mais pour ça, il faut aller enchérir via Internet. On marque une pause et puis Magic System, c'est bien ça pour les loulous. Viva for Life, avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Durant les fêtes, trouver une place de parking pour faire son shopping est quasi impossible. Alors apprenez le parking acrobatique. Ah là, sur votre droite, il y a une place, allez-y. Mais c'est pour un scooter, ça. Ouais, là, c'est pour un gros scooter, quoi. Ça va rentrer, allez-y. Ok. Allez, on assiste un peu. Oh mince. Oh, je suis vraiment désolée. Voilà, c'est rentré. Pas vraiment convaincu? Alors prenez plutôt le train. Billets shopping de la SNCB. Voyagez partout en Belgique tous les week-ends de décembre et tous les jours pendant les vacances de Noël pour seulement 11 euros l'aller-retour. Infos et conditions sur sncb.be. Moi, à Noël, j'aime plutôt préparer des plats traditionnels. Alors là, il n'y a pas plus traditionnel que notre fameuse dinde. Un petit. Ah, la dinde, c'est le plat qu'on attend tous, hein, monsieur Marc. Et la nôtre, alors, elle est tellement tendre, juteuse. En plus, chez nous, pour la dinde, on a aussi une longue tradition de tout petit prix. Mmh. Ça va, petit? Ça va, et vous? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, notre délicieuse dinde est à seulement 3,78 euros le kilo. Joyeuses fêtes! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Lucas a aimé la montre que tu lui as offerte? Oh oui, il a même mis un commentaire positif sur Localizy. Localizy.com. Ce soir, dans le cube en verre de Viva for Life, c'est soirée vinyle. Pour retrouver le son de votre jeunesse ou celle de vos parents, faites un don sur vivaforlife.be. Et dès 22h, sortez votre costume à paillettes et grimpez sur le dance floor. Avec Sarah et les animateurs de la RTBF. Si vous fréquentez la Batte ou le marché de Chenet, vous risquez de faire de curieuses rencontres. Oui, le Père Noël y descendra en personne, les bras chargés de surprises à distribuer aux petits et grands enfants. Notez bien, le Père Noël sera sur la Batte dimanche 20 décembre et au marché de Chenet mardi 22 décembre. Une initiative de l'échevinat du développement économique de la ville de Liège. Magic in the air, aye, aye, aye, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shawty. pas seulement pour les bobos. Nous on vient d'un nous mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. Ça change pas. Ah ouais. Ah, Chouki avec Red One. Est-ce que ça marche? System, évidemment, c'est Virginie Ablaton qui a mis 50 euros dans la cagnotte Via for Life. Mes enfants ont choisi cette chanson pour mettre de l'ambiance dans le cube. Bravo pour ce défi et défi réussi, bien évidemment. Continuez à partager la musique que vous aimez, à dédicacer vos morceaux préférés aussi via vivaforlife.be, vivaforlife.be. On est là évidemment jusqu'à mercredi soir. Sylvie Honoré est là aussi pour nous parler de la cause. Évidemment, 80 000 enfants, ils ont entre 0 et 6 ans, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de nous, en effet. Nous sommes dans le Grand Tournai. Dans le Grand Tournai, si nous sommes à Néchin pour vous présenter, Sarah, une association active dans la promotion du sport et de la culture pour tous, parce que la situation financière d'une famille ne peut représenter un frein à l'accès à ces activités. Tout le monde y a droit. Le Dojo, c'est son nom, c'est le nom de mon association. C'est force de mettre à disposition un lieu de rencontre convivial pour toutes les familles adaptées à la pratique d'activités, donc pour les associations sportives. C'est une ASBL qui pratique des tarifs démocratiques afin d'intégrer tous les milieux sociaux, parce que le Dojo et son directeur, son président surtout, Sébastien Bonte, a réalisé que les frais d'inscription, les cotisations, les équipements sportifs, tout ça, ça coûte cher et ça représente souvent un frein à la participation de certains enfants aux activités sportives. Le Dojo a décidé de supporter elle-même ces frais et d'ainsi offrir ses activités sportives aux familles les plus démunies. Déjà, bravo. Avant de lui dire bonjour, Sébastien Bonte, vous allez bien, Sébastien? Je vais très bien, merci. Merci d'être là. Vous avez un peu expliqué donc le pourquoi de votre association et tout ce que vous faites. Je trouve ça vraiment génial. Vous êtes situé donc, vous avez voulu en plus que la salle se situe dans le centre de Tournai pour que tout le monde puisse avoir accès. Parce que c'est vrai que depuis quelques jours, on se dit que les coins les plus reculés n'ont pas vraiment accès parce que pas toujours les moyens de transport. Vous voulez donc vraiment donner l'envie à tous ces enfants qui vivent dans des situations difficiles d'avoir accès à ces cours de judo, Sébastien? Oui, tout à fait. Pas au cours de judo ou au cours de sport en général. Tout mais ce qui est vraiment, arts martiaux. Voilà, c'est vraiment art martial au sens large. Actuellement, c'est surtout judo et aïkido. Et on a voulu absolument se situer dans le centre de Tournai pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Sarah, en fait, Sébastien, il m'a expliqué que quand il donnait ses cours gratuits d'initiation, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, avec beaucoup de parents. Et puis, dès qu'on dit qu'il faut payer une cotisation annuellement, c'est forcément. Ça, Sébastien. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup trop peu qui viennent. En plus, vous avez développé une espèce de bar démocratique, on va dire, pour que les parents puissent rester avec leurs enfants. Oui, l'idée derrière, c'est de faire vraiment une intégration de l'enfant, mais aussi des familles, en leur proposant de regarder leur enfant se développer et s'amuser. Et à côté de ça, qu'ils puissent rester. Donc, on a créé un bar démocratique où ils peuvent consommer des boissons à 1 euro pendant les cours de sport de leurs enfants. Et le fait de rester là, ils parlent entre eux. Il y a une interaction entre toutes les personnes qui sont là, donc les personnes les plus démunies, mais aussi les, les gens qui ont un travail, qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise. Et de fil en aiguille, on peut trouver des petits boulots, on peut trouver de l'emploi pour tout le monde. Ça va jusque là. Vous êtes un peu un trait d'union, en fait. Vous êtes un trait d'union. Voilà. C'est génial ce que vous faites. C'est génial ce que vous faites. Le dojo, donc c'est vraiment, en plus, ça porte, votre association porte le nom d'une salle hein, où on enseigne les arts martiaux. Donc c'est vraiment ça, donner le droit, donner la priorité à tous ces enfants qui vivent des situations difficiles, d'aller là, d'aller au centre de Tournai pour avoir ces cours gratuits. Et donc pour ça, il faut de l'argent, Sébastien, puisque tout ça, ben, voilà, vous ne pouvez pas le faire éternellement. Les frais d'inscription, les équipements sportifs, ben, ça vous coûte. Et donc c'est pour ça que vous avez déposé un dossier. Tout ce qui tourne autour, on a une équipe de bénévoles qui sont là du 1er septembre au 30 juin. Mmh. Donc on les en remercie. Mais à côté de ça, ça ne suffit pas toujours. Le nombre d'enfants défavorisés est quand même en essor, malheureusement. Mmh. Donc je voudrais aller plus loin et pour pouvoir en faire bénéficier un plus grand nombre. En fait. C'est ça l'idée. Magnifique. Et donc, on a besoin de moyens. Voilà, on a besoin de moyens. Allez, tout le Tournaisie, j'espère, va se mobiliser, va téléphoner au centre Enel au 0800 30 007. J'espère aussi. Les SMS 4001, SMS gratuit, bien sûr. Vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant. Vous recevrez un SMS de confirmation. Venez nous dire bonjour, venez dire bonjour à Sarah. Et surtout, défendez la belle cause. Merci à toutes ces associations, à toutes les personnes qui les représentent, de faire du bien comme ça autour d'eux. Et ça fait du bien. Ah, merci beaucoup, Sylvie. For life. La musique a du cœur. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Just like they say in the song, till the dawn, it's love and gay, get it. Marvin Gaye, le choix de Freddy à Wasmuel, 15 euros au profit de Viva for Life, évidemment. On est là, on continue à se mobiliser. Go, go, go, go, go, 0800 30 007 pour ces 80 000 enfants qui ont tant besoin de nous. Ils sont chez nous, en Belgique francophone, à Bruxelles et partout en Wallonie. On est là aussi sur vivaforlife.be. Partagez la musique que vous aimez, la musique a du cœur. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah de Padua, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, La Une, Télécembre et vivaforlife.be. Proximus présente Storygram. Qu'est-ce que tu vas faire pour Viva for Life cette année? Je vais envoyer une dinde. Une dinde? Ouais. Un ou deux. Deux dindes? Dis donc. Et les timbres, tu vas les coller où? Pour vos vœux de fin d'année, envoyez gratuitement une dinde via l'app Storygram et soutenez Viva for Life. Téléchargez maintenant l'app. Proximus. Infiniment proche. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. On dira ce qu'on voudra, il n'y a pas mieux comme vue. Gravity. Un film à couper le souffle. Gravity avec Sandra Bullock et George Clooney, suivi de 2001 Odyssée de l'espace, ce lundi soir sur la Une. Vivacité présente Viva for Life volume 3, la double compilation avec toute la musique de Vivacité. Louane, Florent Pagny, Osier, Ed Sheeran, Grégory Lemarchal, Cœur de Pirate, Daniel Balavoine, Omi. Viva for Life volume 3, 40 titres. La compilation qui a du cœur au profit de Viva for Life. En vente partout et sur la boutique RTBF. Et c'est encore moi, Benjamin Maréchal. Donc ce lundi, nous avons un défi Viva for Life à relever à Warem. Et c'est peu de dire que je compte sur vous, il nous faut un maximum de monde. Alors, sans vouloir vous bousculer... Warem de feestje, hier is de feestje. Donc venez nous rejoindre à la place du roi Albert Ier à Warem. Ne venez pas les mains vides, j'aurai une tirelire. J'ai besoin de vous à partir de 18h pour qu'il y ait un maximum de monde. Compris ? Warem de feestje, hier is de feestje. Vous aimez ce titre ? Soutenez Viva for Life au 0800 30 007 ou via vivaforlife.be. Viva for Life jusqu'à 14h avec Sarah de Padua. Stay with me, just one single tear. Follow Me, le choix de Georges à Jumet, 40 euros au profit de Via for Life. Merci. Bonjour, qui est là? C'est Magali. Oui, bonjour. Bonjour Magali, vous êtes à Avray. Oui, c'est bien ça. C'est juste à côté de Mons, si je ne me trompe. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce dimanche, Magali? Une balade après-midi et ce matin, rangement de la maison suite à une fête de famille. Hier soir, et ça s'est terminé tard. Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant, vous avez décidé de participer à l'opération. Un grand merci. Un mot sur votre choix, vous avez choisi Liquido, narcotique. Pourquoi? Problème de drogue? C'est une chanson qui, pour moi, me donne beaucoup d'énergie quand je l'entends et... sans vous, cette cause ne serait pas là. Et du coup, j'espère vous envoyer de l'énergie par cette chanson et à tous les auditeurs également pour leur donner de la joie comme moi, ça peut me procurer quand j'entends cette chanson. Ah bah, vous savez quoi, Magali? Merci, merci pour cette énergie. Et vous êtes prête à faire le ménage? C'est pour vous, ça va vous aider aussi. Super, bon dimanche, Magali. Un gros bisou. Vous aussi, merci. Au revoir, bonne journée. Cette chanson, continuez, partagez la musique qui donne la pêche aussi, ça va nous faire du bien et ça va vous faire du bien. VivaForLife.be ou alors au 0800 30 007. Un grand merci à tous les bénévoles qui décrochent le téléphone. On est dimanche et pourtant ils donnent de leur temps. A tout de suite après les infos. Crespin Tiller, votre meilleur choix au meilleur prix garanti. Vos cadeaux, outillages et électroménagers, c'est Crespin. Vos fêtes commencent déjà dans le magasin. Un accueil, un service, c'est Crespin Tiller. Aujourd'hui, autour du cube de verre de Viva for Life. Rendez-vous dès 18h30 pour participer à l'émission télé en direct sur la Une. Et ensuite, le podium de la place de la Digue à Charleroi accueille Lost Frequencies. Jali, Jane, William Danker, Roberto Bellarossa. Venez les applaudir et soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la en live. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chauxfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes, Château des Thermes. commander sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. Tu sais pourquoi on a gagné à Waterloo? Attends, vous avez eu de la chance et tout. Non, c'est français. Viens avec moi, tu vas vivre une expérience époustouflante. Le nouveau mémorial, la butte du Lion, le panorama, la ferme de Goumont, le dernier QG de Napoléon et le musée Wellington, venez les visiter en famille grâce au pass 1815. Info sur visitewaterloo.be. You too, go to Waterloo. Avec vivacité. Évitez les cadeaux ratés cette année. Choisissez le cadeau de vos rêves sur myselection.be et on s'occupe d'en informer qui vous voulez. Sélection, meilleur et pas plus cher. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Le journal est présenté par Natacha Stragier. Bonjour à tous. Un avion d'Air France venant de l'île Maurice et allant à Paris a fait un atterrissage d'urgence la nuit dernière à Mombasa au Kenya après la découverte d'un colis suspect à bord, un paquet trouvé dans les toilettes. Les 459 personnes ont été évacuées. Des experts en explosifs ont été appelés. L'avion était encore à l'aéroport de Mombasa en début de matinée. Un autre doit aller chercher les passagers pour qu'ils puissent terminer leur voyage, sans doute pas avant ce soir. On ne connaît toujours pas la nature de l'objet en question. Les Espagnols se rendent aux urnes aujourd'hui pour des législatives à l'issue incertaine, marquée par l'émergence de deux nouveaux partis, le libéral Ciudadanos et Podemos, la gauche radicale. Les 36,5 millions d'électeurs ont jusqu'à 20 heures pour voter. Dans ce scrutin, le parti populaire de droite au pouvoir depuis 2011 pourrait perdre sa majorité absolue, voire le pouvoir. Le PP reste malgré tout favori selon les derniers sondages, mais est crédité de 25 à 30% des intentions de vote. L'ambassade des États-Unis en Tunisie a recommandé aux ressortissants américains d'éviter un important centre commercial de la capitale Tunis aujourd'hui en raison d'un risque d'attentat. Le Tunisia Mall a ouvert ses portes voici quelques jours dans le quartier berge du lac 2. La Nouvelle-Zélande vient d'autoriser une nouvelle église à célébrer des mariages, l'église du monstre de spaghettis volant, un mouvement fondé aux États-Unis. Ses adeptes portent des passoires sur la tête, adulent les pirates et affirment que l'univers a été créé par un personnage ressemblant à un plat de spaghettis avec des boulettes de viande. Les autorités de Wellington lui ont donc octroyé le droit légal de célébrer des mariages. Le premier pourrait l'être dès le mois prochain. La météo, toujours de la douceur au programme avec des températures allant de 11 à 15 degrés aujourd'hui. Les nuages devraient être de plus en plus présents. C'est la fin de ces infos. On va retrouver Sarah tout de suite. RTBF Mobile Info avec David Godefroy. Oui, une situation toujours très calme. Tout va pour le mieux sur nos routes, tant mieux. Merci David, dites donc. Encore des embûches sur la route ? Heureusement qu'il y a des bûches de Noël au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for life ! Avec Sarah de Padua. Et avec vous tous aussi sur Vivacité, 24h sur 24, non-stop, c'est le grand marathon Viva for Life. On est là jusqu'à mercredi soir avec un seul objectif, venir en aide à ces enfants. Ils sont 80 000. 80 000, c'est 1 sur 4 en Belgique francophone à vivre dans la pauvreté. Et donc on est là pour se mobiliser. On compte sur vous, évidemment. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes déjà de plus en plus nombreux ici, place de la Digue, à Charleroi, juste à côté du studio de Verre. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a pas mal d'animations prévues, notamment à partir de maintenant jusqu'à 22h dans les chalets Viva for Life. La bonne affaire n'est jamais loin avec Solidaris qui organise une bourse aux jouets. Et puis Proximus vous dira tout sur les Storygrams. Les Storygrams, c'est l'application gratuite qui vous permettra d'envoyer des vœux gratuitement tout en rapportant des sous à Viva for Life, puisque Proximus nous verse 50 centimes par e-card, hein, c'est card numérique évidemment, par e-card envoyé. Venez vivre aussi l'expérience Zumba. On va bouger ici, place de la Digue, avec Toumad qui donnera un cours ouvert à tous pour petits et grands, gratuit évidemment. Donc il fait beau, il fait doux, voilà de quoi passer un bon moment évidemment. À 14h, début d'après-midi, séance de dédicace de l'équipe des Zèbres devant le cube, et ensuite 6 d'entre eux vont mouiller leur maillot en affrontant l'équipe gagnante du tournoi de baby-foot géant. Les héros du gazon viendront aussi relever un défi de taille, vendre 25 kilos de fric fish. Si vous avez suivi l'émission, franchement ça vaut la peine aussi d'être là tout à l'heure à partir de 14h. 19h et puis début de soirée 18h. Soyez à l'heure pour le direct sur la Une. Et les showcases de Lost Frequencies, Jali, Roberto Bellarosa, Jane, Brokenback, William Dunker. 22h, Chalet Viva for Life, dégustation avec Eric Boschmann. Bref, l'occasion de passer un bon moment. Venez nous faire un petit coucou et surtout, mobilisons-nous tous ensemble. VivaForLife.be 0800 30 007. Faites un don. Viva for Life. Excellent, proposé par Laurent, Laurent à Leval, 5 euros, bien, 5 euros au profit de Viva for Life. Excellent, spécial dédicace à mes collègues de l'équipe web et RS Réseaux Sociaux. Une pensée pour ceux et celles qui étaient ados dans les années 90, peut-être comme vous aussi d'ailleurs. Et grosse dédicace à certaines amies qui adorent les Backstreet Boys. Excellent, merci Laurent pour ce choix. Continuez, vivaforlife.be 0800 30 007. Bonjour, nous avons une charmante dame à la boîte aux lettres. Bonjour, vous faites partie d'un collectif. Oui, je fais partie d'un ensemble vocal qui est situé à Frameries. À Frameries. Voilà, et alors j'ai demandé pour qu'on fasse une petite collecte pour venir les déposer ici à Viva for Life. Alors nous avons récolté 115 euros, voilà. Voilà. 115 euros. 115 euros. Merci, vous pouvez les glisser dans la boîte aux lettres, c'est super. Voilà. Merci beaucoup madame. Merci bon dimanche. Vous aussi. Et merci bravo pour votre générosité. Pour ce que vous faites. Avec plaisir, attendez. Avec plaisir. Viva for life. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. On est là pour se mobiliser tous ensemble. Viva for life. On est là pour se mobiliser tous ensemble. On retrouve Jean-Marc Desserre. Jean-Marc, comment ça va chez vous? Vous êtes au call center Enalo avec de nombreux bénévoles. Oui, je ne touche à rien. C'est pas moi qui touche à votre console. Hein. Ça, non, c'est moi. Et c'est même pas le chat. Je pourrais dire que c'est Cubi, mais ce n'est même pas lui. D'accord. Oui, Sarah, je suis ici avec tous les bénévoles au call center à Gosselies chez Enalo. Et parmi les bénévoles qui décrochent le téléphone ce matin, il y a Mohamed Fekraoui. Vous êtes Mohamed échevin à la ville de Charleroi. Oui, je suis échevin à la ville de Charleroi. J'ai dans mes compétences la petite enfance, l'égalité des chances, la famille, la santé. Et l'événement Viva for Life est très très important, en tout cas pour tout ce qui touche les familles à Charleroi. C'est la deuxième fois que vous participez ici au call center, que vous êtes bénévole, que vous décrochez le téléphone. Oui, c'est la seconde fois et c'est avec plaisir parce que je pense que en étant un maximum de bénévoles présents, nous allons capter un maximum d'appels, ce qui permettra de maximiser en tout cas les dons pour pouvoir aider ces enfants qui en ont besoin. Vous êtes ici depuis 8 heures ce matin, si je ne me trompe. Comment ça se passe ? Bah écoutez, voilà, depuis 8 heures, sympa, l'ambiance est super joviale, on fait connaissance avec toute une série de personnes. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir que les personnes viennent de tout horizon. En tout cas, ce ne sont pas uniquement des Carolos, mais il y a bien d'autres personnes qui font le déplacement pour soutenir Viva for Life. Et puis vous le disiez également hors antenne, il y a pas mal de nouvelles personnes qui font pour la première fois des dons. Oui, effectivement, dans les appels que j'ai pu capter, il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas encore dans la base de données. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est la preuve que des personnes qui n'y avaient peut-être pas participé, en tout cas de cette manière-là l'année passée, l'ont fait cette année. Et ça ne fait que gonfler cette base de données et d'augmenter les opportunités de pouvoir aider ces enfants qui en ont besoin. Voilà, continuez à appeler ici les bénévoles, ils sont tous super sympas, ils sont tous souriants, c'est le 0800 30 007, appelez, on est là comme dirait une ancienne émission de Vivacité. Laquelle, Jean-Marc Desserre, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est Serge Van Halloween dans le temps, non? C'est vrai, appelez, on est là, oui, oui. Excellent, merci Jean-Marc, et bravo encore à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, parfois si précieux. C'est le moment, c'est l'instant de retrouver Benjamin Maréchal avec son défi du jour. Benjamin, dites-nous tout, vous êtes où et qu'est-ce que vous cherchez? Donc je vous rappelle que nous sommes à Libramont et qu'on vous attend à 18h au centre d'exposition en short pour un 40 mètres obstacle à la n'importe quoi. Alors on en est où? Je suis en ce moment à Neufchâteau. Stéphanie nous a appelé tout à l'heure, elle a dit j'ai des cochons à vous proposer, j'ai des poules. Donc ce qui veut dire que dans notre parcours d'obstacles, il y aura des cochons et des poules, ça c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, il nous manque toute une série de choses. Je suis désespérément à la recherche d'une petite piscine gonflable que nous remplirons, puisque dans une course d'obstacles, il y a des obstacles et forcément le passage dans l'eau. Donc si vous avez une petite piscine gonflable, vous pouvez appeler le numéro de téléphone du Viva for Life Tour, qui est le 0472 724 704, 0472 724 704. Nous sommes à la recherche de vieux matelas. De vieux matelas, c'est important car il y aura des obstacles et il faut que les athlètes tout à l'heure puissent être amortis. Nous cherchons des bénévoles de la Croix-Rouge qui ont, un, l'équipement Croix-Rouge et deux, qui ont des civières. Nous sommes à la recherche de civières, c'est important. Vous pouvez là aussi contacter notre numéro de téléphone, c'est Zoé qui vous répond. Et nous sommes à la recherche également d'un maximum de gourdes pour organiser le ravitaillement. Sans ça, nous serons dans l'embarras total. Alors en même temps, je me retourne et je vois que Stéphanie, qui nous accueille dans sa ferme, a également trouvé un vieux matelas qu'on est en train de charger dans la camionnette. Mais, nous avons besoin de vous. Donc, je répète, des matelas, des gourdes, une piscine gonflable, des brancards, des civières et des bénévoles de la Croix-Rouge. Si vous êtes capable de nous aider, vous nous appelez. Et pour tous les autres, rendez-vous en short ce soir pour la grande course d'obstacles. Merci Benjamin, c'est du côté de Libramont. Allez, je suis sûre que vous êtes généreux, vous pouvez faire quelque chose, aider toute l'équipe de Benjamin à réaliser ce grand défi. 04 C2 724 704, 04 C2 724 704. Benjamin, vous l'avez entendu, qui donne de lui, hein, qui donne de sa personne, il a presque plus de voix, il faut l'encourager bien évidemment, on compte sur vous. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depardieu, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, la Une, Télécembre et vivaforlife.be. Gardez une coiffure de mannequin avec le tout nouveau Go. Un volume de star, des cheveux forts et soyeux. C'est possible grâce à la fonction thermostat du Go. Offrez-vous vite le Go. Votre look n'attend pas. Nous transformons votre vieux sèche-cheveux en nouveau gaufrier. Mais pour cela, il vous faut d'abord le déposer au magasin ou au parc à conteneurs. Découvrez tout à propos de votre petit électro sur recupel.be. Recupel, pour un environnement de qualité, recyclons. Les animateurs sont émus, ils se prennent dans les bras, ils pleurent. Mais sincèrement, là, ça me... Je ne veux pas de mots. Partagez l'émotion de Viva for Life en direct avec Sébastien, Sarah et Cyril. Rendez-vous du 17 au 23 décembre en direct sur Vivacité, La Une et vivaforlife.be. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Orès soutient Viva for Life. Fête de fin d'année à petit prix, embarquez immédiatement chez Red Market. Le champagne Pierre de Brie est à seulement 9,89€. Profitez en plus de votre coupon promotionnel de 6€ à l'achat de 6 bouteilles. Red Market, les courses à grande vitesse, moins chères et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Si vous fréquentez la Batte ou le marché de Chénet, vous risquez de faire de curieuses rencontres. Oui, le Père Noël y descendra en personne, les bras chargés de surprises à distribuer aux petits et grands enfants. Notez bien, le Père Noël sera sur la Batte dimanche 20 décembre et au marché de Chénet mardi 22 décembre. Une initiative de l'échevinat du développement économique de la ville de Liège. Un repas d'affaires? En famille? Entre amis? Direction le Chichis. Restaurant Chichis, la convivialité d'une cuisine Tex-Mex savoureuse. Il se passe toujours quelque chose au Chichis. Restaurant le Chichis, à Raucourt, Médiacité et Herstal. À chaque jour sa promo au Chichis. Découvrez la vite sur chichis.be. Il se passe toujours quelque chose au Chichis. Tous les jours de la semaine prochaine, un cadeau avec votre DH. Lundi, du papier cadeau offert gratuitement avec votre journal. Mardi, un autre papier cadeau gratuit. Mercredi, des lampions gratuits pour votre table de fête. Et jeudi, d'autres petites lanternes offertes gratuitement. On est en ville, on ne chercherait pas la montre que je veux offrir à Luc. Tu connais la marque? Oui, mais où la trouver? Attends Hélène, je cherche sur l'app Localizy. Voilà, on la vend à 300 mètres d'ici et les avis sur le vendeur sont très bons. Allez, on y va. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. Sang Bay of Biscay, the whole world it drifted away, and the wind did sigh through the hearts of oak. I'll always be beside my heart of oak. You're precious to me, like Blake's poetry, and I wish you well, bold-hearted oak, with your arms raised open wide, singing to the skies, what a mighty soul, with a heart to hold. Can't be bought or sold, not the heart to hold. Heart of Oak, cœur de chêne. Tout le monde a un cœur de chêne fort et sensible. La cause des enfants me touche. Laissons-les guider notre cœur. Aidons autour de nous et faisons confiance aux associations. Bravo à vous, c'est le message d'André à Ittre qui a mis 200 euros dans la cagnotte Viva for Life. 200 euros, c'est juste énorme. Merci à vous, vivaforlife.be. Partagez la musique que vous aimez avec une dédicace, pourquoi pas un message. Voyez qu'on les lit à l'antenne. Manage s'invite du côté de la place de la Digue. Bonjour. Vous êtes plusieurs là avec un grand drapeau, vous faites partie d'une école. Alors voilà, nous représentons le CFA de Sainte-Thérèse à Manage. Nous avons fait différents dons, dont une journée brushing, de la vente de soupe, de la vente de crêpes et la somme que nous... Et une tombola. Et la somme que nous avons récoltée est de 691,15 euros. Continuez à nous mobiliser pour le Viva for Life. Ah ben tout est dit, merci, merci, bravo pour votre temps. Juste un petit mot encore, si on peut, je voudrais juste dire deux choses. Un, encourager les gens à donner, donner, donner, donner, parce qu'il y a trop souvent un lien entre l'échec scolaire et la pauvreté. Mm-hmm. Alors, sauvez-les quand ils sont tout petits, et ça leur garantit, c'est un investissement à long terme, en fait. Bravo, et c'est pour ça qu'on a élargi la cause aussi, jusqu'au petit bout de 6 ans, pour les accompagnants maternels, notamment. Tout à fait. Et puis, la dernière chose... Bon courage à vous et on est super fiers de nos élèves. Et en matière de générosité, c'est souvent eux qui nous donnent des leçons. L'Institut Sainte-Thérèse à Manage, merci. On gros peut vous bisous. Offrir le calicot. Le calicot avec la somme, évidemment. Merci, gros bisous. Merci beaucoup et bravo à tous les élèves, évidemment, alors qu'un cours de Zumba se donne en ce moment en place de la Digue avec pas mal d'animation. Bravo, vous êtes géniaux. Bonjour Antoine Chance. Et bonjour. Merci d'être avec nous dans Viva for Life. Alors, Antoine écoutez, Chance. Merci de me recevoir. Il est parfois un petit peu fou, non? Antoine Chance, vous êtes là chaque année pour nous soutenir et pourtant vous êtes fatigué, vous aussi, parce que ça fait 2 ans que vous tournez partout. Pourquoi vous mobilisez pour notre cause, Antoine Chance? Ben écoutez, il faudrait être fou pour ne pas se mobiliser. Voilà, c'est vraiment important. Effectivement, on vient de mentionner ici l'enseignement, l'éducation. Il faut, ça paraît être le point de départ. Et voilà, je viens juste rappeler avec mon petit statut de chanteur wallon que voilà, c'est important de se bouger et de soutenir cette cause. Voilà, moi j'ai moi-même des enfants. Ils ont pas encore, voilà, ils sont exactement dans cette tranche d'âge et je rêve le meilleur pour eux. Je vais essayer de les rendre le plus heureux possible et donc voilà, ça me touche particulièrement parce que je me dis que ça doit être terrible de pas pouvoir le faire et donc voilà, je viens de participer absolument. Antoine Chance, petit chanteur wallon, c'est vous qui l'avez dit et pourtant vous êtes produit à Paris il y a pas si longtemps au Centre oui, Wallonie-Bruxelles. Mais... Ça s'est passé comment? Ah, c'était super cool. Enfin, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. En fait, 2 jours avant, on finissait la tournée en Belgique, au Botanique. Et pour moi, c'était un concert très important parce qu'on, il y a plein de gens qui sont venus, des invités, auxquels je tenais, m'ont fait l'amitié de venir. Il y avait Jawar, Ours, Nicolas Michaud et Craig Walker, qui sont des gens, voilà, avec qui, je collaborais peut-être, avec qui je collabore parfois déjà. Puis on était tous les musiciens de la tournée, tous les remplaçants, plus les cuivres, etc. Donc c'était une grosse fête. Une grosse fête à Paris. Paris, c'est un petit peu un rêve pour vous? Alors là je parlais en l'occurrence du concert en Belgique et le dernier. Et puis alors effectivement 2 jours après on a joué à Paris. Et les gens du Centre Wallonie-Bruxelles-Paris sont extra. Ils se bougent vachement pour créer des événements, etc. Et c'était une vraie fête aussi. La salle était remplie. Et alors Paris, est-ce que c'est un rêve? Moi, le rêve, en l'occurrence, c'est surtout de continuer d'avoir la, sans faire de mauvais jeu de mots, d'avoir la chance de pouvoir faire ça, pouvoir faire ce que j'aime, et de pouvoir jouer sur scène avec mes. Voilà, on a un super trio, on s'entend très bien, on passe des bons moments avec le public. On vous souhaite plein de bons moments, Antoine Chance, justement. Gentil. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Vous êtes en train de composer, d'écrire, vous nous préparez encore une pépite comme l'album Fou. écoutez, oui, là c'est exactement ça. C'est exactement ce que je fais pour l'instant. Je vais un tout petit peu m'arrêter là maintenant, parce qu'effectivement, de toute façon, je suis en train de perdre ma voix, je tombe malade, etc. C'est normal. Ça va d'aller, comme dirait l'autre. Mais non, tout va bien. Mais par contre, oui, dès que je peux, je passe du temps dans mon studio pour écrire des nouvelles choses. Et voilà, ça avance. Ça ne mettra plus 10 ans pour faire un deuxième. On vous souhaite plein de bonnes choses, Antoine Chance. Merci d'être passé par le studio de Vert ici, même si c'est par téléphone. Vous étiez là au rendez-vous. Gros bisous, on vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Merci d'avoir été là. Gros bisous. On marque une pause et puis on a rendez-vous avec Maître Gims. À tout de suite. Vous aimez ce titre? Soutenez Viva for Life au 0800 30 007. Les plus grands artistes de 2015 se mobilisent pour Viva for Life. Christine and the Queens offre le disque de platine de son album Chaleur humaine aux enchères pour Viva for Life. Vous aimez Christine and the Queens? Faites vite, cette enchère s'achève aujourd'hui. Toutes les enchères au profit de Viva for Life sont sur vivaforlife.be. Salut, c'est Loan. Nous sommes les Innocents. C'est Marie Warnon. Sono Laura Pausini. Faites comme nous. Faites un don. Soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Alors partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. Avec le soutien de la Loterie Nationale. CCML Show soutient Viva for Life pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Le Spar de Guy. Notre pâté maison, le champagne. Eh bien, Guy, on ne se refuse rien. Quand je reçois, je prends le meilleur. Oh, tu as bien raison. Puis à ce prix-là. Oui. Spar Colruyt Group. Toujours avantageux. Parfait pour un dîner de fête. Et par tranche d'achat de 100 euros, vous recevez une réduction de 10 euros valable en janvier, voire conditions en magasin. Dès maintenant, chez Manier Luxus, offrez-vous une paire de chaussures et recevez une machine à café Dolce Gusto d'une valeur de 89 euros. Faites plaisir et faites-vous plaisir. Offre limitée pour tout achat de minimum 199 euros. Conditions manier.be. Des chaussures? Manier Luxus. Viva for Life, la musique a du cœur. Partageons-la. J'ai dû disparaître. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Briser, c'est Kevin à Saint-Gilles qui a versé des sous pour l'opération. On prend évidemment. Merci Kevin. N'hésitez pas à vous procurer la compilation Viva for Life, volume 3, forcément, troisième opération, en vente partout et notamment sur la boutique RTBF en ligne, boutique.rtbf.be. Vous y retrouverez toute la musique de Vivacité avec Louane, Florent Pagny, Ed Sheeran, Ozier, Grégory Le Marchal, Cœur de Pirate, Daniel Balavoine, etc., etc. Il y a Maître Gims qu'on vient d'entendre, The Avener, Black M, Garou, Lost Frequencies, Sam Smith. Bref, je ne vais pas tous les citer. Il y a 3 CD à l'intérieur de la compilation. Elle est à 17 €. Rendez-vous donc sur le site boutique.rtbf.be ou dans les nombreux points de vente installés un petit peu partout en Wallonie et notamment ici, Place de la Digue. C'est une façon aussi de se mobiliser, on compte sur vous. Et si vous voulez une seule chanson, c'est possible, La Musique a du cœur, passez via le site vivaforlife.be. Choisissez la chanson que vous aimez, dédicacez-la aussi avec un petit mot, en échange d'un ton, bien sûr. Et puis il y a le 0800 30 007, 0800 30 007. 80 000 enfants entre 0 et 6 ans ont besoin de vous. Et nous, on compte sur vous. Viva for Life, avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Aurès soutient Viva for Life. Proximus présente Storygram. Tu comptes faire quoi pour Viva for Life cette année? Non, je comptais envoyer un renne. Un renne? Tu vas le trouver où ton renne? Bah, sur mon GSM. Ah ouais? C'est fou ce qu'on trouve sur Internet. Pour vos vœux de fin d'année, envoyez gratuitement un renne via l'app Storygram et soutenez Viva for Life. Téléchargez maintenant l'app. Proximus, infiniment proche. Salut, ici Dan Gagnon. J'ai été choisi pour vous parler de la Société Wallonne des Eaux. Alors pour les personnes qui ont décidé de ne pas se jeter dans le trafic pour éviter d'entendre la suite, sachez que la SWDE peut être utile et de bons conseils. Comme par exemple quand vous voulez envoyer les chiffres de votre compteur facilement. Alors pourquoi vous voudriez faire une chose pareille? Aucune calice d'idée. Mais si ce n'est peut-être avoir une facture correcte. Alors dans ce cas-là, ouais, SWDE.be dans l'espace client. Achetez maintenant une TV Samsung SUHD chez Sélection et recevez 5 ans de garantie et un Samsung Galaxy S6. Sélection, meilleur et pas plus cher. Vivacité présente Viva for Life volume 3, la double compilation avec toute la musique de Vivacité. Louane, Florent Pagny, Ozier, Ed Sheeran, Grégory Le Marchal, Cœur de Pirate, Daniel Balavoine, Omi. Viva for Life volume 3, 40 titres. La compilation qui a du cœur au profit de Viva for Life, en vente partout et sur la boutique RTBF. Viva for Life, la musique a du cœur. Partageons-la. Bonjour, ce mardi 22 décembre, je vous donne rendez-vous à Charleroi pour Viva for Life. La musique a du cœur, alors partageons-la ensemble. Mardi 22, 10-18h à Charleroi. Comme Loïc noté, soutenez Viva for Life. Faites un don sur le compte 8x0 37 37. Retrouvez toutes les infos sur vivaforlife.be. Quand tu craches tes mots. Vous aimez ce titre? Vous pouvez vous l'offrir. Surfez sur vivaforlife.be. Guy est là à Bruxelles, à Jette exactement. Bonjour Guy. Bonjour Sarah. Bonjour, vous avez décidé de soutenir l'opération, pourquoi? Ben, parce que je crois que c'est évident, soutenir les enfants et surtout avec tout ce qui se passe dans notre merveilleux monde, mais aussi avec toutes les difficultés que rencontrent les enfants, parce que ce sont d'abord eux qui ont des difficultés. Mm-hmm. Et en plus, ils n'ont rien choisi, ils sont innocents. Exactement. Évidemment. Guy, vous avez des enfants vous-même, des petits-enfants peut-être? On a 2 grands-enfants qui ont 30 ans, mais on a un petit-enfant et on a 2 autres qui arrivent bientôt. Et félicitations, bientôt 3 alors. Et comment ils vous appellent vos petits-enfants? Papy. Papy, simple, efficace, en plus facile à dire. Peut-être que c'est le premier mot qu'ils vont prononcer. Non, je crois que c'est papa et maman qui prononcent d'abord. Guy, vous avez mis une belle somme pour l'opération. 500 €, c'est juste énorme. Un grand merci. Avec le choix aussi de la chanson, Guy. Ah, pour moi, c'est une chanson merveilleuse avec une petite phrase qui, pour moi, résume votre opération. La maman qui s'occupe un peu plus de son plus fragile enfant, c'est comme notre société qui doit s'occuper de bien plus des enfants les plus fragiles. Beaucoup d'émotions, Guy. On peut le comprendre. On vous embrasse bien fort. Merci pour votre générosité. Et c'est à vous. C'est votre chanson maintenant. C'est Jean-Jacques Goldman, Il y a. Merci, Sarah. Il y a du thym de la bruyère et des bois de pin, rien de bien malin. Il y a des ruisseaux, des clairières, pas de quoi en faire un plat de ce coin. Il y a des odeurs de menthe et des cheminées et des feux dedans. Il y a des jours et des nuits lentes et l'histoire absente, banalement. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, reviens chaque fois, et où tout finira. Il y a des enfants, des grands-mères, une petite église et un grand café. Il y a au fond du cimetière des joies, des misères et du temps. Il y a une petite école et des bancs de bois, tout comme autrefois. Il y a des images qui courent au bout de tes doigts et ton cœur qui bat. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Et plus la terre est aride, et plus cet amour est grand, comme un mineur à sa mine, un marin à son océan. Plus la nature est ingrate, avide de sueur et de boue, parce que l'on a tant besoin que l'on ait besoin de nous. Elle porte les stigmates de leur peine et de leur sang, comme une mère préfère un peu son plus fragile enfant. Et loin de tout, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Jean-Jacques Goldman, Il y a, le choix de Jette, de Guy, avec 500 euros pour l'opération. Merci, c'est super. Sylvie Honoré est là avec nous, évidemment, pour nous parler de la cause. Sylvie, on va dans quel coin, quelle région, quelle association? On va dans une association liégeoise, voilà. Le Jardin des Enfants, c'est le nom de l'association. Oui, Sylvie, mais pourtant mon curseur est vraiment super levé. Voilà. Voilà, nous allons donc à Liège, dans une association qui s'appelle le Jardin des Enfants, pour présenter un espace d'accueil gratuit. Je vais vous présenter une maman qui s'appelle Géraldine, qui est maman d'une petite Lou qui a 2 ans et qui fréquente les moments petits bouts. Ça veut dire cet espace d'accueil gratuit depuis pas mal de temps, bien sûr. C'est un espace qui socialise les enfants, qui accueille les mamans. Donc c'est riche aussi pour les mamans qui se rencontrent dans ce genre d'endroit. Géraldine, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes en ligne, on en a parlé hors antenne, bien entendu. Vous m'avez dit, c'est vrai que c'est riche pour nous les parents, c'est riche pour les enfants. Vous y allez le jeudi matin, de 10h à midi. Vous dites, c'est vraiment très très enrichissant de voir en effet que les gens viennent de partout, de tout niveau, de tout milieu, de toute religion. Voilà, vous êtes vraiment dans une mixité exemplaire, Géraldine. Ben oui, en effet. Ben tout d'abord, c'est vraiment le fait que ce soit un espace d'accueil et d'échange autour de que ce soit la maternité ou la paternité, parce que les papas sont là aussi. Oui. Parfois, ils sont là en couple, parfois c'est un parent, parfois c'est l'autre parent. Et puis, je disais que c'était chouette parce que, de fait, il y a un peu des gens de tous les univers possibles. Et donc, ce sont des bons moments de rencontre. Et puis, avant tout, c'est un espace où le petit peut être vraiment déjà impliqué dans sa propre vie sociale avant l'école. C'est un espace où il va vraiment à la rencontre d'autres enfants de 0 à 3 ans. Donc, quand moi je suis arrivée avec ma fille, elle avait 3 semaines. Oui. Et je me suis dit, c'est pas possible, un bébé ne va pas communiquer si tôt. En fait, si. Vous vous êtes rendu compte. Est-ce que ça justement, ça la nourrit moralement, mentalement parlant? Est-ce qu'elle est plus ouverte vers les autres? Est-ce qu'elle va plus facilement aujourd'hui vers les autres enfants? En tout cas, bon, là, je ne sais pas si tous les enfants réagissent de la même façon, évidemment, mais ici, oui, il est certain qu'elle va volontiers vers les autres enfants ou les autres adultes, et c'est assez chouette de la laisser justement évoluer dans un espace. On y va les jeudis, mais c'est aussi ouvert le mardi matin. Oui, oui. Et c'est vraiment un espace où dès qu'elle arrive, hop, elle enlève sa veste, elle enlève ses chaussures, et puis c'est parti pour les jeux et les rencontres, quoi. Alors il faut savoir, puisqu'on est là en effet pour parler des associations qui bénéficient de l'argent, il faut savoir qu'avant, cette maman et d'autres mamans payaient 2 euros la séance. Et aujourd'hui, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que vous avez déjà, et là je m'adresse aux auditeurs, Géraldine, vous avez déjà donné pour un financement en 2013. Et donc il faut continuer à ce que ce soit gratuit, à ce qu'il y ait de plus en plus de parents, de plus en plus d'enfants qui viennent fréquenter cet endroit à Liège, donc le Jardin des Enfants. L'endroit s'appelle les Moments Petit Boost, un espace d'accueil. Il y a 2 animatrices, elle me disait aussi, Géraldine, hein, c'est ça, vous m'avez dit, hein, on peut piquer un roupillon, on peut par exemple piquer un roupillon. Il n'y a personne qui nous peut venir. Alors, une maman. Les animatrices sont là, et ça m'est déjà arrivé de me dire, bon, là vraiment, je suis exténuée. Il y avait Manu qui était là, une des animatrices, et Naïma aussi. Et j'ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez la prendre en charge quelques minutes, parce que là j'ai juste besoin de souffler. Génial. Et j'ai pris un moment pour moi, et c'était bien nécessaire, simplement parce que la vie, à partir du moment où on est, quand on est maman et un petit peu actif ou quoi, c'est une question de disponibilité. Nous on le sait. Merci Géraldine pour votre témoignage, et grâce à vous, grâce à vos dons, et bien ce genre d'endroit existe encore plus grâce à vos dons. N'oubliez pas d'appeler le centre Enalo, ils sont là jusqu'à 21h30 au 0830 007 0830 007. Chaque euro compte, chaque don compte. Envoyez un SMS au 4001, par virement bancaire aussi, 8x0 37 37, ou alors achetez nos objets à l'effigie du Vivafor Life, ou venez nous voir dans la boîte aux lettres pour déposer quelques piécettes. Tous les moyens sont bons pour participer. Encore un chiffre, Sylvie, vous parliez des associations sur le terrain. La première année, avec 1 400 000 quelque chose, on a pu aider 30 associations. La deuxième année, grâce à vous, 2 103 000, 50 associations. Il faut encore faire plus. Oui. Aujourd'hui, elles en ont besoin. On est là pour ça. Vivafor Life.be pour avoir toutes les infos. Sylvie, vous avez sorti votre tenue de soirée? Ah oui. C'est ce qui arrive après la pause. À tout de suite. Vivafor Life jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depardieu, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Vivafor Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi, sur Vivacité, la Une, Télécembre et vivaforlife.be. C'est moi, Hip. Et spécialement pour les fêtes, votre hypermarché Carrefour sera ouvert ce dimanche 20 décembre avec une offre à ne pas rater. Par tranche d'achat de 100 euros, recevez un bon d'achat de 15 euros. Bam! Ne manquez pas ça, c'est seulement ce dimanche. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Vous aimez ce titre? Vous pouvez vous l'offrir. Surfez sur vivaforlife.be. En mal d'idées pour les fêtes? Offrez du bien-être. Une pause soin ou détente à l'espace 22? Voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 mètres carrés. Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la station à Anse et sur espace22.be. Vivaforlife. Avec Sarah Depardieu. Allez, oui, allez, on va danser sur Viva for Life. Tu as préparé ta belle chemise, tes belles chaussures, ton pantalon n'est pas trop serré. On va danser tous ensemble. Excusez-moi pour l'accent, je voulais faire un peu de boîte de nuit. Et c'était un petit peu raté ces débuts de soirée sur Viva. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison pour que vive le son. On marche en tu donnes une cadence à tes pas. Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça. Tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un zinfir de pick-up. On a trouvé des décibels dans ton checker. Des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucré tombait, je le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme. J'avais dédalé. La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs. On sent tous son dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle, j'avais gardé car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Ça va le jockey et du chant. Dans jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes. Qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Veille en toi, tourbillon d'un vent de folie. Début de soirée, nuit de folie. Le choix de Jean-Pierre à Neupré, 50 euros pour Viva for Life. C'est juste magique. Merci pour votre générosité, votre soutien. En parlant de nuit de folie, ce soir, c'est la nuit vinyle. Vinyle, à vous de choisir le vinyle, votre premier vinyle, qui sait, et de nous le faire parvenir via la boîte aux lettres, pourquoi pas, avec un don aussi. On va essayer de le passer sur antenne. Toutes les équipes techniques seront là pour essayer de faire passer ce vinyle, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait tous les équipements, mais ils seront là ce soir. C'est prévu avec toutes les équipes de toutes les radios aussi de la RTBF. Rendez-vous sur vivaforlife.be pour commander, partager la musique que vous aimez, ou alors via le call center Enalo 0800 30 007 0800 30 007. Il y a tout un petit groupe qui se prépare ici du côté de la place de la Digue à Charleroi. Venez, venez, venez, venez, venez, venez. Ils sont intimidés évidemment, c'est pas toujours facile de parler à un micro devant une boîte aux lettres. Venez, c'est le groupe. Oui, c'est à vous. Voilà, c'est en direct évidemment sur Vivacité. Bonjour, parlez bien dans le micro de la boîte aux lettres parce qu'il y a un cours de Zumba là derrière. Bonjour à vous. Ils ne m'entendent pas apparemment. Ah voilà. Voilà, approchez-vous bien du micro. Approchez-vous bien du micro pour nous parler. Présentez-vous, vous êtes qui, vous faites quoi? Décidément, c'est 500 euros au profit de Viva for Life. Il y a un cours de Zumba là derrière, donc forcément c'est un petit peu compliqué de nous entendre. 500 euros pour le groupe. Attendez, montrez-moi bien le chèque. C'est le Scarliptique. J'ai envie de l'avoir parlé. Sort optimiste, 500 euros. On a le pins aussi, évidemment. Félicitations, bravo. Merci les filles pour les 500 euros. Gros bisous. Félicitations. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ici avec pas mal d'animation. Place de la Digue à Charleroi avec encore des défis sportifs pour cet après-midi. Soyez nombreux à venir nous rejoindre. Coldplay sur Viva. Viva la vida. Et c'est ça la vie. La vie, c'est aussi aider ces 80 000 enfants qui sont dans la pauvreté chez nous en Belgique francophone. Donc appelez maintenant le 0800 30 007. Merci pour eux. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionary sway. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Vida sur Vivacité, c'est Antoine Apolleur qui a mis 100 euros et qui a choisi la musique qu'il aimait. J'espère que vous aussi vous aimez, c'est ça la magie de Viva for Life aussi. C'est vous qui choisissez la musique, profitez-en. 0800 30 007, 0800 30 007 ou alors sur vivaforlife.be. Nous avons une belle petite famille à la boîte aux lettres. Bonjour. Bonjour. Bonjour, il y a Aline, il y a vous, il y a les enfants, voilà, etc. Voilà, je voulais remercier tous les villageois de Timéon qui ont participé... pour Viva for Life, un grand merci au village de Timéon, merci. Et donc vous allez mettre les sous dans la boîte aux lettres. 250 euros à peu près. 250 euros. Il y a eu peut-être des rajouts ou quoi, mais en gros il y a plus ou moins 250 euros. Bravo, félicitations, voilà. On vous embrasse, merci beaucoup et continuez, c'est super. Et pour ma caisse ? Oui, vous pouvez la vider dans la boîte aux lettres ou alors vous donnez la caisse à un de nombreux collaborateurs ici avec une veste Viva for Life, merci. Ici place de la Digue. Venez nous rejoindre avec pas mal d'animation aussi, c'est super. On sent aussi que chez vous, dans votre village, dans votre quartier, vous avez envie de participer participez à la cause, vous récoltez des sous et vous venez les déposer ici pour Viva for Life, ici Place de la Digue. C'est juste génial, merci déjà d'être là et de nous soutenir de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je vous rappelle que Benjamin Maréchal et son équipe sont à Libramont. Leur défi, au LEC, le Libramont Exhibition Congress, on peut tout organiser. Une foire agricole, comme un marché de Noël, Benjamin, avec son équipe et surtout votre aide, va y tester une nouvelle implantation potentielle pour le Mémorial Van Damme. C'est donc en stade qu'il doit transformer le LEC pour l'aider durant son défi. Un seul numéro, vous êtes du côté de Libramont. Je sais que Benjamin, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure sur Vivacité, il était un petit peu dans la dèche, il cherchait pas mal de choses. Rendez-vous sur 0472 724 704 si vous pouvez l'aider. Mais alors, que cherche-t-il? C'est la question, évidemment. Des obstacles pour 400 mètres et Pornawak. Il faudrait une piscine gonflable, de vieux matelas, des bénévoles de la Croix-Rouge avec des civières et un maximum de gourdes pour le ravitaillement. Et surtout, des sportifs, des athlètes, évidemment. Venez rejoindre Benjamin Olek de Libramont à 18h en tenue de sport, évidemment, pour relever ce défi tous ensemble pour Viva for Life, pour nos enfants qui en ont besoin. Retenez ce numéro. Vous êtes du côté de Libramont, faites passer le message, ça peut intéresser. 0472 724 704 0472 724 704. Life. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ici. Et si, what a wonderful world. Louis Armstrong survivra à 20 euros. De la part de Lina de Mille Morts, réchauffons tous les cœurs, même s'il fait doux dehors. Effectivement, c'est bien dit ça. On compte sur vous. 0800 30 007 ou alors via vivaforlife.be. Pas mal d'animations tout à l'heure avec des showcases de nombreux artistes. Notamment, eux seront dans la place. Lui plutôt. Roberto Bella Rosa. Et il y aura aussi Lost Frequencies. Jali sera là, William Dunker, s'il vous plaît, Jane, Broken Back, pas mal d'animations encore. Rendez-vous dès 18h aussi pour le direct en télé. Peut-être l'occasion de passer sur la Une Télé tout à l'heure. Les infos tout de suite. Viva for Life. Avant de s'enfermer dans le cube de verre de Viva for Life, Sarah Depadua s'est confiée au magazine Gaël. Découvrez dans ce Gaël spécial Sarah les facettes inattendues de cette femme aussi belle dehors que dedans. Sarah se donne à fond et Gaël adore ça. Gaël, ma référence à moi. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupré et à Teux. Biofagne.be. qu'aujourd'hui tout a l'air mieux sur Internet et que l'on fait de plus en plus ses courses online, Colishop présente le retrait offline. Le retrait offline, oui, c'est ça, c'est un simple retrait quoi, non ? Oui, c'est ça, dans l'un de nos 350 points d'enlèvement. Alors donc, si j'achète une pierrade avec ma femme, on ne la paye que dans... Qu'après avoir pu l'examiner. Oui. D'accord. Et si elle nous plaît pas ? Eh ben alors vous la laissez planter là. Ah bon ? Pas à votre femme, hein, la pierrade. Oui, j'entends bien. La pierrade. Colishop, c'est commander online et retirer offline. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Le journal est présenté par Natacha Stragier. Un incendie s'est déclaré à la Bastide Blanche, un home pour enfants en difficulté de Châtelet la nuit dernière. Le bâtiment était en rénovation et vide de tout occupant depuis le dernier incendie qui datait de septembre. La résidence était complètement détruite par les flammes. La piste criminelle est retenue par le parquet de Charleroi. Un homme s'est présenté aux urgences de l'hôpital de l'Audelin-Sarre la nuit dernière avec une balle dans la cuisse. Il affirme avoir pris une balle perdue alors qu'il se promenait à Charleroi. Trois suspects ont été interpellés. Ils doivent être entendus avec l'aide d'un interprète. La victime sera également réauditionnée. Un avion d'Air France assurant la liaison entre l'île Maurice et Paris a été dérouté et a dû atterrir d'urgence à Mombasa au Kenya après la découverte par l'équipage d'un objet suspect dans les toilettes. Plusieurs passagers du vol sont interrogés en lien avec cet engin suspect. Le Boeing qui avait 459 passagers et 14 membres d'équipage à bord a pu être évacué sans difficulté. On évoquera les fêtes de Noël qui s'approchent dans votre journal de 13h. Pas mal de magasins ouverts aujourd'hui pour dire d'acheter la dernière tenue pour le réveillon ou les cadeaux de dernière minute. Avec les fêtes de fin d'année, on parlera également des ventes de viande de gibier. Pour certains bouchers, les fournisseurs très contrôlés par l'AFSCA ont du mal à s'approvisionner. Pour d'autres, c'est tout simplement le prix assez élevé qui fait baisser la demande. On l'entendra dans le journal. En sport, en football, club de Bruges-Anderlecht, c'est l'affiche de cette 20e journée de championnat. Coup d'envoi à 14h30. À 18h, le Standard se déplacera au Stand. Enfin, à 20h, la Gantoise recevra Courtrai. Ce sera le match de clôture de cette journée. Votre journal à 13h, il sera présenté par Julie Buron. C'est avec vous, Pierre Collard-Bovy, bonjour. Exact, bonjour. Un accident signalé sur le 34 en Versailles-Doven à hauteur de Haute-Turnhout. Le passage s'effectue uniquement vers la bande d'arrêt d'urgence et le passage est difficile, bien évidemment, puisqu'on signale une perte de temps de 30 minutes en direction d'Eindhoven, donc des Pays-Bas. Un autre accident signalé sur le 314, toujours, mais Maas-Mechelen-Louvain cette fois, à hauteur d'Everlay. Et là, c'est en direction de Louvain. Une bande de circulation est neutralisée. Notez ces travaux entrepris pour l'instant sur le 42 Namur-Mons entre Timon et Gouy. Les voies de gauche et centrale sont soustraites à la circulation en direction de Mons, entre les kilomètres 84 et 92. Un nettoyage de la chaussée est prévu après les travaux. Et le chantier ici est prévu jusqu'à 18h. Donc, qui dit travaux, dit manetteur, comme on dit. Donc, il y a des gens qui travaillent, donc respectez leur travail. Encore des embûches sur la route ? Heureusement qu'il y a des bûches de Noël au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Chez Cora, c'est tous les jours dimanche. Surtout le dimanche 20 décembre. Bah oui, puisque nous sommes ouverts. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Viva for life. Viva for life. De 10h à 14h, avec Sarah Depadua. On est là, bonjour tout le monde, on est là pour le grand marathon de solidarité, c'est Viva for Life, 80 000 enfants, ils ont entre 0 et 6 ans, ont besoin de vous. Alors pourquoi faut-il se mobiliser pour Viva for Life ? Eh bien parce que si on ne se mobilise pas, si on ne fait pas un geste, c'est peine perdue, on est là pour rien. Et c'est aussi se donner un but et enrichir son expérience que de donner et d'aider les autres. Ça fait du bien de donner, en plus on est à quelques jours de Noël maintenant, et pourquoi pas un petit 5, 10, 50, 100, 250 euros sous le sapin pour ces enfants qui en ont tellement besoin. Alors comment faire justement pour participer à l'opération ? Comment faire un don ? Via le call center, le centre Enalo avec de nombreux bénévoles, 0800 30 007 jusqu'à ce soir 21h30. Donc après le repas de famille, vous dites j'ai passé un bon moment en famille, mais eux aussi ils ont le droit de faire ça. Et donc 0800 30 007, merci pour eux. Par SMS aussi c'est le 40 01, c'est entièrement gratuit, vous démarrez votre message par... par votre numéro de compte. C'est entièrement sécurisé aussi. Vous mettez un espace et puis le montant que vous voulez donner à Viva for Life. Sur le site, évidemment, vivaforlife.be ou encore en venant ici, sur la place de la Digue, avec pas mal d'animations prévues. Franchement, ça va déménager cet après-midi avec des défis sportifs. Là, c'est la Zumba qui est en cours. Si vous n'êtes pas loin, venez nous rejoindre. Et ce soir, avec pas mal de musique, évidemment, on va faire la fête tous ensemble. Et je vous rappelle, 40 euros, c'est déductible fiscalement. Donc, c'est comme si vous en payez que 20 réellement. Donc, si vous voulez mettre 20 euros, mettez-en 40. Comme ça, ça fera plaisir deux fois plus. Viva for Life. Yannick Noah, le choix de Claudine à jambes, 250 euros pour Viva for Life. Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. C'est Claudine à jambes, 250 euros pour Viva for Life, c'est génial. Sébastien, je te fais un coucou de Bièvre. Alors qu'un petit loulou vient de déposer un magnifique dessin ici dans la boîte aux lettres, et ça c'est génial. Merci à vous tous, on est gâtés, on est vraiment trop gâtés. Grâce à vous, on a des peluches, on a des dessins, on a des sous évidemment à la boîte aux lettres. Merci de venir de plus en plus nombreux ici, place de la Digue, nous rejoindre. Regardez par exemple, si vous nous suivez via notre live center, nous avons un dragon à trois têtes. Alors, c'est pas évident de faire bouger les têtes tous ensemble. Allez, vas-y, parle dragon. Alors ça c'était une tête, l'autre tête, vas-y, vas-y. Il est un petit peu plus jeune à mon avis. Et puis le troisième, lui il est un petit peu fin, un petit peu comme nous. Merci pour votre générosité, vous êtes super, continuez. On est là jusqu'à mercredi soir. Un seul objectif, faire exploser le compteur. Le programme de la journée justement, place de la Digue ici. Vous êtes nombreux aussi, je voulais vous dire, à donner des... de la nourriture pour notre cubi, notre chat, notre mascotte. Et c'est sympa. Vous venez le voir aussi dans le studio de Vert. Alors, par chance, peut-être que vous pourrez le voir. Et parfois, il se cache, il se faufile. Mais sachez qu'il va très, très bien. Il avait très peur au début, la première soirée, la première journée. Maintenant, franchement, on l'a vu recouler là dans notre canapé. Il vient prendre les manettes de temps en temps ici à la radio. Il appuie sur les boutons. Bref, il se sent super bien. Donc, pas de souci. Le programme, tout à l'heure, place de la Digue, dès 14h jusqu'à 16h30. Donc, l'après-midi, tournoi de baby-foot géant avec les zèbres et dédicace des joueurs. heures. Carolo, si vous êtes fan des zèbres, venez place de la Digue et les autres, ce sera l'occasion aussi de passer un super moment. Visite des héros du gazon aussi à partir de 16h jusqu'à 17h. Dès 19h20, showcase de Lost Frequencies, Jali, Roberto Bellarosa, Jane, Brokenback, William Dunker, avec de la musique, pas mal d'ambiance évidemment dès 19h20. Et si vous voulez, vous pouvez même venir un petit peu plus tôt, 18h, pour le direct en télé, l'occasion de faire un petit coucou tout à l'heure sur la Une Télé. Et puis à partir de 22h, pas mal d'animations aussi. On continue nos dégustations avec Eric Boschmann dans un de nos chalets Viva for Life ici sur le marché de Noël de la place de la Digue avec du vin, etc. De l'ambiance encore jusqu'au bout de la nuit. On compte sur vous, on compte sur vous aussi pour donner, partager la musique que vous aimez. C'est ce qu'a fait Philippe. Philippe et Sophie à Otigny, 300 euros. C'est génial, ils ont choisi James Blunt, You're Beautiful. My life is brilliant. J'ai dit quoi? My life is brilliant. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. James Blunt, You're Beautiful. Philippe ou Sophie, c'est un couple, ils sont à Otigny, ils sont là, ils ont mis 300 euros pour Via for Life, ils sont là au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Philippe alors. Oui, c'est exact. Bienvenue Philippe. Pourquoi avoir mis tant de sous? Merci déjà, mais c'est beaucoup de sous. Pourquoi pour notre opération? Bah parce que des enfants qui s'aiment et qui aiment la vie, bah, c'est quand même chouette. Et voilà, si ça peut en aider pour l'année prochaine, pour qu'ils fêtent un Noël... meilleur que les autres années, bah, tant mieux. On sent un peu d'émotion dans votre voix, Philippe. Avec Sophie, vous avez des enfants? Ben non, voilà. Non, et en plus, mais c'est d'autant plus grand comme geste. Merci beaucoup, Philippe. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce dimanche? Oh, ben, quelques petites courses après-midi. Ouais. Et puis voilà. C'est vrai que de nombreux... vacances avant de fêter ben, Noël en famille. Mm-hmm. Voilà. De nombreux magasins sont ouverts, donc c'est vrai qu'on peut en profiter. Et il paraît qu'il fait super beau dehors. Chez vous aussi, à Otigny, Il fait doux, ciel oui, bleu. Oui, mais il manque un peu de neige, voilà, pour faire Noël. C'est vrai, il fait super doux, évidemment. On pourrait presque ressortir les tongs par moment. Ben oui. Merci beaucoup, Philippe. Et Sophie, on vous embrasse du côté d'Otigny. Merci encore pour votre générosité. C'est vraiment super. On peut compter sur vous. Continuez, regardez. Philippe et Sophie, ils sont à Otigny, ils n'ont pas d'enfants. Ils pensent aux autres. Donc, vous aussi, à vous de penser à ces petits bouts. Ils sont 80 000. Ils sont dans la pauvreté. Ça se passe chez nous, en Belgique francophone. 0800 30 007 ou alors sur vivaforlife.be. Viva for life. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Nous avons un beau bonnet des zèbres, déjà un bonnet du Père Noël, mais noir et blanc ici à la boîte aux lettres Place de la Digue. Bonjour. Bonjour Sarah. Magnifique le bonnet. Nous sommes les représentants de la société L'Étoile des Enfants de la Deuse, petit village de l'entité de Chièvre. Oui. Alors la société veut le bonheur des enfants, donc nous organisons tout d'abord un bal masqué pour eux au mois de mars. Nous faisons aussi une bourse aux vêtements, aux jouets. Nous accompagnerons le grand Saint-Nicolas quand il fait sa tournée et qu'il rend visite à tous les enfants du village. Mm-hmm. Et depuis 3 ans, nous avons aussi pris en charge une opération pour Viva for Life. Si vous vous souvenez, il y a 3 ans, nous avions fait un flash mob avec beaucoup de ballons, un lancer énorme. Et alors ensuite, l'année dernière, c'était la danse des pingouins. Les pingouins, oui. Les pingouins. Et cette année, nous avons réalisé une omelette géante. Une omelette géante, oui. Nous avons cassé plus de 1000, presque 1500 œufs. Et alors, la poêle, elle faisait 2 mètres carrés. Et figurez-vous, les gens apportaient leurs œufs et on leur revendait l'omelette après. C'était génial. Et puis, il y avait aussi une buvette, il y avait une caisse pour les dons. Et aujourd'hui, on est très heureux. Très heureux d'apporter un chèque de 2316 euros. 2316 euros. Félicitations. Bravo. Pour Viva for Life. Bravo à l'Étoile des Enfants. 2316 euros pour qu'on met dans la boîte. Merci. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne continuation encore pendant 2-3 jours. Merci. Et on se demande parfois où vous allez chercher la pêche que vous avez. Mais c'est grâce à vous tous. Ah, attendez, ben voilà. Vous aussi, vous avez consacré du temps à l'opération avec un très beau chèque. Et on est là pour ça, justement. On est juste le relais, nous. On est le média entre vous et ces enfants. Et donc, on est là pour ça. Et c'est ça qui nous donne de l'énergie. On se revoit l'an prochain. L'an prochain. Voilà, chiche. Au plaisir. Où que ce soit. Gros bisous. Continuez, vous aussi, à nous soutenir. VivaForLife.be, 0800 30 007. Faites-en don. Viva for Life, avec nos partenaires. CCML Show soutient Viva for Life pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Dès maintenant, chez Manier Luxus, offrez-vous une paire de chaussures et recevez une machine à café Dolce Gusto d'une valeur de 89 euros. Faites plaisir et faites-vous plaisir. Offre limitée pour tout achat de minimum 199 euros. Conditions manier.be. Des chaussures ? Manier Luxus. Le Spar de Lucie. Waouh Lucie, mais tu t'es mise sur ton 31, tu es magnifique. Oh, merci, c'est juste mes cheveux, tu sais, puis une petite robe de soirée. Il manque juste le repas de fête. Eh ben voilà, ta commande est prête. Ah, oh, merci Anne. Dis donc, tu mets moins de temps à la préparer que moi à maquiller, je crois. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Même pendant les fêtes. Avec Mobistar, allons-y pour plus de partage avec votre famille grâce à nos super smartphones 4G à seulement 29 euros avec Dauphin 25. Mobistar. Et nous retrouvons le Père Noël en direct de son chalet. Oh oh oh, je viens de découvrir le folder Krefel, idée de fête. J'ai jamais vu autant d'idées cadeaux de toute ma carrière. Et profitez-en, tous les magasins Krefel sont ouverts ce dimanche. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chauxfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes. Château des Thermes. Commandez sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. C'est un anniversaire éclatant pour la ville de Liège. Voici 11 ans, s'ouvrait chez Sélection au passage Lemonnier la superbe boutique Swarovski, le magicien du cristal. Swarovski, ce sont des bijoux, des montres et bien sûr de merveilleux sujets de cristal. Swarovski, c'est 1001 idées de cadeaux scintillants à ne pas manquer chez Sélection. Passage Lemonnier au cœur de Liège. Repas d'affaires. En famille. Entre amis. Direction le Chi-Chi's. Restaurant Chi-Chi's, la convivialité d'une cuisine Tex-Mex savoureuse. Il se passe toujours quelque chose au Chi-Chi's. Restaurant le Chi-Chi's, à Raucourt, Médiacité et Herstal. À chaque jour sa promo au Chi-Chi's. Découvrez-la vite sur chi-chi's.be. Il se passe toujours quelque chose au Chi-Chi's. Alors Luc, t'as trouvé le cadeau pour ta femme? Évidemment, sur Localizy, j'ai trouvé les produits qu'elle aime en trois clics. Localizy.com. Vivacité et la Une présente. Le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avrois de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel. Avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. Viva for life. Viva, viva, viva city. Breeze and calling ain't the 90s old. You're the cold maids say one. Breeze and calling ain't the 90s old. All right. Cette chanson-là, c'est Adriano Celentano, au titre imprononçable, il n'y a que des consonnes, il y a deux voyelles, je crois, alors qu'il y a 26 lettres. C'est le choix de Sébastien Quemier, 50 euros. C'est une musique pour faire danser les animateurs dans le cube, on l'a fait. Félicitations à vous tous, les animateurs, et toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. Courage à tous, l'occasion aussi de rappeler que Via for Life, c'est nous trois enfermés. C'est aussi 130 personnes et parfois 150 lors du Prime Télé qui travaillent ici, derrière nous, la régie, le web, la télé, la radio, etc. Donc bravo à vous tous et merci Sébastien d'y avoir pensé. Nous avons Mélanie à la boîte aux lettres, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Dites donc, vous avez bien bougé tout à l'heure, c'est vous qui avez donné les cours de Zumba? Oui, tout à fait, j'ai eu l'honneur d'être sur scène avec les participantes et elles viennent de me remettre la somme de 142 euros. Bravo, félicitations. Dites donc Mélanie, comment vous faites pour faire la Zumba et tout bouger en même temps? Genre tout quoi, les épaules, le ventre, les jambes? C'est une histoire de coordination, j'ai envie de dire. Voilà, on va rester là-dessus. Merci Mélanie, gros bisous. Il y avait un grand cours de Zumba organisé ici, place de la Digue à Charleroi. Et là, on est en train de gonfler un énorme truc. Et à mon avis, ça ressemble à un... ça va être un kicker géant avec notamment une partie de l'équipe des Zèbres. Donc rendez-vous, place de la Digue, avec pas mal d'animation encore ce soir. Venez, venez, venez, il fait bon, il fait doux. On est en plein marché de Noël ici. Ça vaut la peine de partager ça ensemble. Jean-Marc Dessert est du côté de Dinan. Jean-Marc, bonjour. Oui. Il s'en passe des choses aussi pour UA for Life du côté de Dinan. Je suis même loin de Dinan, vous savez, maintenant. On est près de Fossaville. Oui, je suis sur le Ravel avec les marcheurs du club de marche. Et on marche, hein, je vous jure que c'est vrai, je vais faire 3 km. C'est vous dire. Le club de marche Food & Voice, ça veut dire hors des chemins, hein, en wallon. Et j'ai Guy Wilmot à mes côtés. Ça veut dire autre chose. Ça peut vouloir dire quoi? Food & Voice. Ah, Food & Voice, oui, de fou, oui, voilà, la folie. Alors, comment ça se passe, Guy? Bien, ça se passe très bien. En fait, nous avons un petit peu de l'avance sur notre timing. On avait prévu du 5 km/h de moyenne, mais nous en sommes à 5,2, je pense. Donc, on va devoir freiner avant d'arriver à Charleroi ce soir. Sinon, les pieds, ça va. Le moral, il est extra. Mes amis ici sont tous en forme. Il n'y a vraiment aucun souci. Tout se passe pour le mieux. Vous savez que vous êtes une dizaine et votre défi, c'est donc de rejoindre Dinan à Charleroi, à la place de la Digue. Vous comptiez y arriver vers 18h, donc apparemment, vous serez en avance. On sera en avance, mais on va être recalé à la place de la Digue pour arriver au moment du direct. Oui, recalé par les marchés de Noël et par le petit vin chaud, peut-être, Guy? Mais non, je pense que c'est une dame de l'RTBF qui a dit qu'elle allait nous recaler, mais je ne sais pas avec quoi. Oui, mais on part. Ça va aller, vous savez, ça va aller. Ils sont donc une dizaine ici. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce défi, hein? C'est combien de kilomètres en tout, rappelez-moi? 65 kilomètres. Qu'est-ce qui vous a motivé? Écoutez, un jour, on s'est rendu compte que nos pieds n'avaient pas de racines. Alors, il fallait un petit peu les mettre à l'épreuve. Et on voulait déjà, en fait, l'an passé, faire Lierneux-Liège, puisque c'était à Liège l'an passé. Et ça représente plus ou moins 65 kilomètres. Mais on s'y est pris un petit peu tard et on s'était dit qu'on allait recommencer cette année-ci. Manque de poste, c'était pas Liège, mais Charleroi. Alors on a dû chercher un endroit pour pouvoir parcourir 65 km. Lierneux-Charleroi, c'était un petit peu trop. Jean-Marc, on va laisser Guy marcher peut-être en paix, oui. Parce que parler et marcher en même temps, c'est pas facile. Il est en plein effort. C'est pas facile, effectivement, je vous confirme. Merci Jean-Marc, à tout à l'heure. 65 km, un défi de fou. Et c'est grâce à vous. Rendez-vous tout à l'heure pour l'arrivée, donc en direct, place de la Digue ici à Charleroi, ou alors chez vous, sur la Une Télé à partir de 18h30. Wallace Collection, le choix de Paul à la Louvière. 40€ pour Viva for Life. Daydream! Daydream! I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dreamed of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dreamed of the places I've been with you. Paul à la Louvière qui est passé via le site vivaforlife.be et qui a proposé cette chanson Wallace Collection Daydream. Il a laissé un petit mot. Merci pour ce que vous faites pour les animateurs. Non, merci à vous, chez vous, de participer à l'opération. Mais continuez. Go, go, go, go. Un seul objectif, faire exploser le compteur cette année pour venir en aide à encore plus d'associations. 50 l'année dernière avec 2 103 000 et quelque chose. Faisons plus encore cette année pour les enfants 0-6 ans. Ils sont 80 000 chez nous à vivre dans la pauvreté. Donc il faut les aider. On marque une pause et puis Patrick. Les souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à Port-El Kantaoui. Le café des délices, c'est juste après la pause. Viva for Life jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depardieu, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télé-Sambre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télé-Sambre. Viva for Life en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, la Une, Télé-Sambre et vivaforlife.be. Et c'est encore moi, Benjamin Maréchal. Donc ce lundi, nous avons un défi Viva for Life à relever à Warem. Et c'est peu de dire que je compte sur vous, il nous faut un maximum de monde. Alors, sans vouloir vous bousculer... Warem de feestje, here is the feestje. Donc venez nous rejoindre à la place du roi Albert Ier à Warem. Ne venez pas les mains vides, j'aurai une tirelire. J'ai besoin de vous à partir de 18h pour qu'il y ait un maximum de monde. Compris ? Warem de feestje, here is the feestje. Vous aimez ce titre ? Vous pouvez vous l'offrir. Surfez sur vivaforlife.be. Beauty City. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région. Toutes les plus grandes marques, des centaines d'idées cadeaux, de nombreux soins en institut dans un cadre convivial et professionnel. Beauty City. Beauty City. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région, avenue François Cornès à Aiwai. Attention, un mal au genou chez un homme peut vite le rendre vulgaire. Bah vous, c'est pratique d'avoir un chauffeur quand on a mal au genou. Oui, mais regarde la route, s'il te plaît. Bah t'es pas content que je te conduise. Si, mais regarde la route, je te dis. Et t'aurais pu faire autrement sans moi. Non, mais regarde la route. Heureusement, en cas d'inflammation douloureuse des articulations, il y a Voltaren Emulgel Forte, deux fois plus concentré que Voltaren Emulgel 1%. Il suffit de l'appliquer une fois toutes les 12 heures pour soulager votre douleur durablement. Médicament au diclofénac, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne pas utiliser en dessous de 14 ans sur une peau abîmée en cas d'hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou lors de la grossesse. Lisez attentivement la notice. Viva for Life, la musique a du cœur. Avec Mélanie qui est de retour ici à la boîte aux lettres. Alors Mélanie l'a proposé près d'une heure de Zumba ici, place de la Digue. Elle avait déposé 160 euros. Et 142 euros exactement. Et là Mélanie, vous revenez avec une enveloppe. Oui, tout génial. À fait. Donc j'ai l'honneur de déposer actuellement 500 euros de la part de notre école de danse, To Maid. 500 euros. Excellent. Vous avez fait comment pour récolter les sous? Simplement avec les élèves qui participent tout au long de l'année avec leurs abonnements. Et on a décidé de reprendre 500 euros des abonnements pour vous le rendre aujourd'hui. Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Mélanie. 500 euros, c'est une très belle somme. Bravo aussi à tous les élèves bientôt. De bonne l'école journée. De Zumba. Gros bisous, bonne journée. Patrick Bruel s'invite sur Vivacité. Le choix de Véronique à Berkheim-Sainte-Agathe. 100 euros. Money, money, money, des sous pour Via for Life. On est là pour ça jusqu'à mercredi soir. Mobilisons-nous tous ensemble. 0800 30 007. Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse. Une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram. Et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, yalil, habibi yalil, yalil, yalil, habibi yalil, yalil, yalil, habibi yalil, yalil, yalil, yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à Port-El Kantaoui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais, ces fruits, les noyaux d'abricots, pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Amamet. Yalil, yalil, Habibi, yalil, yalil, yalil. À l'avant du bateau, et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, yalil, ces parfums d'autrefois. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, même si tu t'en vas. Yalil, yalil, Habibi, yalil. Yalil, yalil, Habibi, yalil. Patrick Bruel qui a mis le feu ici, c'était le 17 décembre, c'était un jeudi soir, place de la Digue à Charleroi. Vous étiez très très nombreux à venir le voir. Il était là avec son grand cœur évidemment pour notre opération et pour nous enfermer aussi. Donc, je sais pas si je l'aime encore, moi, Patrick Bruel. Mais si, je l'adore, avec cette chanson « Café des délices ». C'est le moment, c'est l'instant de mettre une boule supplémentaire à notre sapin de la Loterie Nationale. Une boule qui pèse lourd, ça c'est de la boule de Noël. Dans la pochette Share and Play, vous recevez 24 jeux à gratter dont au moins 2 sont gagnants. Et dans cette nouvelle boule, la 7e de la Loterie, on retrouve 15 pochettes Share and Play, ce qui fait 360 jeux à gratter et de nombreuses chances de gagner jusqu'à 100 025 euros. Alors continuez à miser pour emporter l'enchère de ce sapin magique. Je vais maintenant déposer donc cette 7e boule sur le sapin Noël si vous nous suivez en streaming. J'espère que vous m'entendez via le micro sans fil. J'y vais, j'y vais. Hop, hop, hop, hop, 7e boule. Hop là. Bon à savoir aussi, il y aura 14 boules au total. Ça en fait des boules, hein. 14 boules au total pour le sapin offert par la Loterie Nationale mise aux enchères. Ce sera ce mardi soir aux alentours de 21h45. Donc faites monter les enchères avec des milliers de tickets à gratter de la Loterie Nationale. Ce sera 21h45, mardi soir, rendez-vous sur le site vivaforlife.be ou alors deuxième main.be. Grégory Lemarchal avec nous sur Viva, écrit l'histoire. Et si on écrivait l'histoire tous ensemble, si on faisait exploser le compteur ici, place de la Digue, à Charleroi. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras. faut-il que j'arrête? Un mot et je n'en fais qu'à ta tête. Je disparais, je change de planète. Sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises. Un amour ou pas? Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire. Écrit l'histoire. Très belle chanson d'un chanteur talentueux, trop tôt disparu. Nous sommes contents que vous avez changé de ville cette année. Nous sommes passés ce vendredi et avons eu l'occasion d'acheter quelques produits de Viva for Life. Courage à vous trois, c'est le message qu'a laissé Cathy. Cathy à Bellecour, 50 euros au profit de Viva for Life et qui a donc choisi Grégory Le Marchal. Écrit l'histoire. Bénédicte Duval est avec nous pour nous parler de la cause de ces 80 000 enfants qui ont tant besoin de nous. Bénédicte, on va parler d'une association. Effectivement, une association qui se situe dans la province du Luxembourg. Nous avons Marie Spoden avec nous par téléphone. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de la maison source, la maison où, là où vous travaillez. Oui, merci. Donc la maison source propose un accompagnement aux familles dont la précarité et l'isolement rendent la vie compliquée pour les parents. Alors, pour les accompagner, les soutenir, on leur propose de passer une journée à la maison de source. Et pendant cette journée, on va vraiment développer toutes des activités autour des besoins des enfants à travers des gestes du quotidien. Donc, pour cela, on va proposer des ateliers. On propose des ateliers de jeux, où on va vraiment valoriser l'enfant, montrer l'importance de jouer pour le bien grandir de l'enfant, lui parler au plus vite dès la naissance. On va proposer des ateliers de cuisine où on va développer toutes sortes de compétences en rapport à l'alimentation saine. On réalise les repas ensemble pour manger ensemble à midi. C'est important pour vous d'encadrer ces mamans avec ces jeunes enfants? C'est essentiel. Oui, c'est vraiment important parce que l'isolement et la précarité va vraiment rendre vraiment la vie compliquée pour ses parents. Et le fait de proposer déjà une journée à l'extérieur de chez eux pour rencontrer d'autres familles aussi, pour voir d'autres manières de faire, peut-être parce que dans la vie, ils n'ont pas eu la chance de tomber sur des bonnes aides, des bons exemples de la vie. Et donc voilà, c'est pour aussi leur donner confiance, qu'ils aient confiance aux personnes qui les entourent. Oui, c'est très important. Alors, votre projet a été soutenu en 2014 grâce à Viva for Life. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait avec ce financement. Déjà, ce financement nous a permis de professionnaliser l'équipe. Donc, c'était un projet qui venait d'une équipe uniquement de bénévoles. Et alors, pour vraiment proposer une régularité dans les ateliers, un travail de partenariat avec d'autres services, c'était vraiment important de renforcer l'équipe. Donc, on a pu vraiment, à travers l'aide de Viva for Life, démarrer un projet beaucoup plus professionnalisé avec une personne. Donc ici, c'est moi qui ai la chance de pouvoir coordonner le projet et de continuer à mettre en place tous les ateliers que nous proposons jusqu'à présent. Alors la situation reste difficile, de nombreuses familles sont toujours en grande difficulté, l'isolement est important essentiellement dans votre région, les distances sont énormes. Alors vous avez décidé de rentrer à nouveau un projet auprès de Viva for Life, pour quelles raisons? Voilà, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, hein, les villages sont loin des grandes villes. C'est difficile pour ce public de se déplacer. Souvent, on peut compter seulement sur un bus le matin, un bus le soir et encore. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de proposer à une dizaine de communes avoisinantes à celle de Durbuy où nous sommes installés, de pouvoir proposer à un plus large public. Donc, plus de familles et élargir aussi le public, donc c'est-à-dire qu'ici c'était des enfants de 0 à 3 ans, donc mm-hmm. proposer aux mamans qui ont les petits bouts à la maison, mais aussi proposer à des familles où ben, les enfants vont à l'école, mais l'isolement est toujours là. Le fait de rester coincé à la maison, ben, on ne découvre pas de nouvelles choses, de nouvelles. Donc la prévention ne rentre pas dans ces familles par rapport à l'importance de l'alimentation, etc. Merci pour votre témoignage, Marie. On l'aura compris, hein, Sarah, toutes ces familles ont vraiment besoin de nous. Il y a une réelle urgence. Appelez-nous, 0800 30 007, c'est le numéro du call center Enalo. Les bénévoles sont là, attendent vos appels. Il y a toujours le site vivaforlife.be et le SMS au 4001. Vous tapez votre numéro de compte, suivi d'un espace, suivi du montant que vous souhaitez donner. Et partagez la musique que vous aimez aussi, peut-être... Queen, pourquoi pas? C'est Queen qui arrive juste après la pub, à tout de suite. Des centaines d'idées cadeaux à moins de 50 euros en électro et ustensiles de cuisine, c'est chez Kitchen Market et c'est ouvert dimanche. Des idées plein la cuisine. Durant les fêtes, trouver une place de parking pour faire son shopping est quasi impossible. Alors apprenez le parking acrobatique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous garer dans une place déjà prise. Mais il y a déjà quelqu'un là. Mais c'est un coupé sport, donc on peut se mettre au-dessus. Mais le propriétaire sera jamais d'accord. Bah, c'est pas grave, je rembourserai la moitié de son ticket de parking. Attention. Pas vraiment convaincu? Alors prenez plutôt le train. Ah bah oui. Billets shopping de la SNCB. Voyagez partout en Belgique tous les week-ends de décembre et tous les jours pendant les vacances de Noël pour seulement 11 euros l'aller-retour. Infos et conditions sur sncb.be. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de fraisia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Enya est de retour après 7 ans d'absence. Une voix cristalline, une mélodie aérienne. Enya, son nouvel album Dark Sky Island, inspiré par les étoiles. Avec vivacité. Elle est célèbre depuis plus d'un siècle. Elle détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement votre intérieur. La lampe Berger sera pour les fêtes l'invité d'honneur des magasins Sélection au passage Le Monnier à Liège et rue du Collège à Visée. En cristal ou en pâte de verre, en porcelaine ou en faïence, la collection la plus large des lampes Berger sera chez Sélection pour vous apporter un choix idéal de cadeaux de fin d'année et à un prix très raisonnable. Maison Sélection à Liège et à Visée. Viva for Life en direct de la place de la Digue. À Charleroi, bonjour, il y a une poussinette qui est là avec une capuche, avec des oreilles. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Eva. Eva, bonjour Eva, t'es toute mimi. Et merci au papa qui la porte. Eva, tu as quel âge? 8 ans. Et t'es venue apporter un chèque? Oui. 500 euros. 500 euros dans la cagnotte de Viva for Life. Félicitations. Et comment tu as fait, Eva, pour récolter tout cet argent? C'est toi qui... C'est ma société, en fait, Star People, qui offre 500 euros aux enfants défavorisés. C'est une action nationale qu'on a voulu faire pour vous. Bravo, félicitations, c'est beaucoup de sous pour ces enfants qui en ont tellement besoin. Vous restez là, il va y avoir un kicker géant ici avec certains. Je ne suis plus sportif malheureusement. Bon, on vous disait, bah, pour garder aussi, il y aura pas mal d'ambiance. Ici, place de la Digue à Charleroi. Bonjour Manoël. Bonjour Sarah. Manoël, on est à Wallin avec vous dans le Brabant Wallon. Oui. Vous avez décidé de participer à l'opération, expliquez-nous. Ça fait 2 ans que je suis en pension et l'année passée, je me suis dit, je fais pas mal de babysitting, je garde pas mal d'enfants justement dans cette tranche d'âge-là, entre 0 et 6 ans. Et du coup, je me suis dit que pendant toute l'année, j'allais faire des comptes avec le babysitting et puis 10% à Viva for Life. Malheureusement, j'ai pas su passer à Charleroi parce que je suis étudiante, du coup, je suis en blocus, mais... Je trouvais ça vraiment important de faire ce virement. Ça va d'aller pour le blocus. Tu dis quoi, Manoël? Je fais des études d'ingénieur industriel à l'ECAM en deuxième. Ouh là là, en deuxième. Mais ça va, c'est pas trop dur? Ça va, ça va. Allez, courage, comment tu t'organises pour le blocus? T'as pas des petits conseils à donner à tous les étudiants qui nous écoutent? Il faut garder courage. Voilà. Courage, un seul mot évidemment à votre bouche, Manoël. Ça fait combien alors 10% de vos recettes de babysitting? J'ai eu la chance de pouvoir virer 130 euros. 130 euros, c'est beaucoup de sous, waouh. Oui. Bravo et merci. Gros courage pour le blocus, Manoël. Et vous avez choisi Queen, Killer Queen. She keeps them away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, in that way, perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class, absolutely dry. Important, c'est l'heure de la mobilisation du côté de Libramont. On retrouve Benjamin Maréchal. Benjamin, où vous en êtes? Votre défi, c'est de faire un grand défi sportif, justement, Benjamin. Oui, donc je vous rappelle qu'on vous attend à 18h pour un 40 mètres obstacle, n'importe quoi, dans le marché de Noël, dans le centre d'exhibition. Alors, je suis Sarah depuis ce matin en short à Libramont et ça caille super sérieux. Alors, on a décidé d'aller s'entraîner. À l'intérieur, on est passé devant le foyer culturel et on a vu qu'il y avait une salle de sport, le Fitness Medical Center, avec un numéro de GSM sur la façade. On vient d'appeler Janine Boussy, qui est la patronne du centre, oui. Et qui va venir le rouvrir pour qu'on puisse s'entraîner sur tapis roulant. Ce sont des images que vous verrez tout à l'heure à la télévision. L'équipe d'ailleurs est derrière moi en train de faire des échauffements en attendant qu'elle vienne ouvrir. Alors tout à l'heure, vers 16h, on ira aménager le parcours. On vous demande de venir en short, de vous inscrire tout à l'heure à notre course et tout l'argent est au profit évidemment de Viva for Life. Mais il nous manque encore des palettes pour réaliser des obstacles. Si vous avez des palettes, appelez le 0472 724 704, le 0472 724 704. C'est Zoé qui a le téléphone dans sa main, c'est elle qui répondra au Bastien le cadreur. Vous verrez bien si vous avez une voix d'homme ou une voix de femme. Et puis nous cherchons également des bandanas de sportifs, donc à mettre sur le front. Ça c'est pour l'équipement. Et dernier élément, nous n'avons toujours pas trouvé de civière et de brancard. Donc si vous êtes du côté de Libramont, que vous croisez des gars dans une camionnette en short, vous les interpellez ou vous appelez le numéro de téléphone pour nous aider. D'ici là, je vous souhaite, vous aussi, Sarah, beaucoup de courage, parce qu'on va aller s'entraîner. Et on attend donc tout le monde à 18h en short, dans le centre d'exposition. Merci, Benjamin. Nous, ça va, mais vous, avec votre voix, dites donc, on a mal au cœur. Prenez soin de vous, Benjamin. Ah ben, c'est toute la journée dehors, depuis qu'on a démarré. Et donc voilà, au bout de 3 jours, le froid est en train de nous avoir, mais on ne se démotive pas. On sera là pour la course tout à l'heure. Merci Benjamin, il faut l'aider, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc mobilisez-vous du côté de Libramont. Appelez ce numéro, le 0472-724-704. Si vous pouvez aider Benjamin et toute son équipe, 0472-724-704. On va danser, yes, avec Hadaway. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Prenez le temps de la météo. Banque CPH.be. David Godefroy, excellent dimanche à tous. Les nuages présents ce matin sur l'ouest du pays s'enfonceront progressivement dans les terres. Ils ne seront pas vraiment compacts et donc pourront laisser s'échapper quelques rayons de soleil. Toujours une grande douceur au programme de la météo. 10 degrés sur les reliefs de l'Ardenne et 12 à 14 degrés ailleurs. En fin de journée, quelques gouttes pourront s'inviter sous un ciel devenu couvert sur l'ouest. En seconde partie de nuit, la couverture nuageuse sera plus dense à l'est du royaume, avec toujours des petites pluies localisées possibles. Et à l'arrière de celle-ci, le ciel deviendra plus variable. le minima de 6 à 9 degrés. Le ciel sera chargé demain matin, de la Gaume au relief ardennais. Par contre, les éclaircies souvent belles se développeront sur le centre et l'ouest du royaume. Après-midi, le temps sera beau dans l'ensemble, doux avec de bons moments de soleil. Le vent sera néanmoins bien présent avec des rafales à 60, voire localement 70 km par heure, maxima de 8 à 12 degrés. Les plus grands artistes de 2015 se mobilisent pour Viva for Life. Louane offre le disque de platine signé de son album Chambre 12 aux enchères pour Viva for Life. C'est le jour. Vous aimez Louane ? Faites vite, cette enchère s'achève aujourd'hui. Toutes les enchères au profit de Viva for Life sont sur vivaforlife.be. Soutenez Viva for Life au 0800 30 007. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chesnay, quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Pour les fêtes, moi, j'aime quand il y a plein de bonnes choses. Ah, nous aussi, les bonnes choses, on aime quand il y en a plein. Un petit. Oh oui, monsieur Marc. Et c'est pour ça qu'on met plein de crevettes grises dans nos bonnes croquettes maison. Et en plus, elles sont faites à la main. C'est pour ça que ce sont de vraies croquettes maison. Sauf que bon, elles sont pas vraiment faites dans ma maison. Moi, j'habite toujours avec ma maman. Elles sont faites ici, chez Carrefour Market. Oui, on a compris, petit. Vous êtes sûr ? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, nos croquettes fraîches de crevettes grises sont en 3 plus 1 gratuites. Vous les trouverez à la poissonnerie. Joyeuses fêtes ! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Dernier dimanche avant le réveillon de Noël, les magasins sont ouverts et les clients en profitent. La grève du rail en janvier aura-t-elle lieu ? Après le gouvernement, le syndicat socialiste pose lui aussi ses conditions pour négocier la paix sociale. Du neuf dans l'enquête sur les attentats de Paris, quelques heures après les attaques, Abdelhamit Abaout, le cerveau présumé de celle-ci, se serait planqué 4 jours dans un bosquet le long d'une autoroute. 20e journée du championnat de football et un topper entre Bruges et Anderlecht. Ce sera à 14h30. Le journal avec Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Sarah, bonjour à tous. C'est un peu devenu la tradition. De nombreux magasins ouvrent ce dimanche. Une aubaine pour de nombreux commerçants qui espèrent doper leurs affaires à 4 jours du réveillon de Noël. Une manière aussi de compenser les pertes dues au climat tendu de ces dernières semaines. Alain Demarais et Jean-Claude Hénuit ont recueilli les impressions de clients et de commerçants bruxellois. Oui. Ça fonctionne bien aujourd'hui les affaires ? Oui, très bien hein, pour les fêtes. Les gens commencent à faire leurs courses, viennent avec leurs listes, faire plaisir à leur famille. Même en dimanche matin, il y a déjà du monde ? Oui, le dimanche matin, c'est quand même plus calme. Du coup, les gens préfèrent prendre plus leur temps pour faire les courses, alors que l'après-midi, ça bouge un peu plus. Donc, il y a plus de monde aux caisses, plus de files. Ça fonctionne bien ? Énormément. Et oui, je dois dire que la peur des attentats a l'air d'être un peu passée et tout le monde revient à la charge. Je crois que tout le monde est dans l'esprit de Noël, donc oui, il y a du monde. C'est le dimanche le plus important en fait, de l'année. Ouais. Pendant que les autres font leurs emplettes, vous devez travailler, c'est pas trop dur ça ? On se reposera en début de semaine, nous. Nous sommes ouverts parce que tout le monde est ouvert dans le quartier aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment le méga jour pour nous. Article de chaussures, c'est encore un peu différent, je dirais, c'est pas les cadeaux de Noël. C'est la course pour les cadeaux de Noël ? Un peu, oui. Surtout que c'est la période de blocus, donc on essaie de faire ça vite. On va déjà acheter des chocolats belges, puis on va acheter des cadeaux pour toute la famille. Vers du Luxembourg, donc on profite du week-end ensoleillé, marché de Noël et tout ça, donc vraiment chouette. Pour toi, c'est gai de faire les magasins le dimanche ? Oui, parce qu'on fait un petit tour et on reste en famille. Et pendant vos courses, vous avez peut-être déposé dans votre caddie du gibier, un incontournable des tables de Noël. Le gibier qui peut se vendre entre 40 et 50 euros le kilo. Pour certains bouchers, les fournisseurs, très contrôlés par l'AFSCA, ont du mal à s'approvisionner. Pour d'autres, c'est tout simplement le prix assez élevé qui fait baisser la demande de gibier. L'enquête à Charleroi de Luciano Arcangeli. Madame, vous venez d'acheter un très beau morceau de chevreuil. Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, je profite des fêtes de fin d'année. C'est la pleine période et en plus, il m'a l'air vraiment succulent. Donc voilà. Le prix, c'est 45 euros le kilo. Ça vous paraît prohibitif ou pas ? C'est clair que c'est un budget, forcément. Mais bon, c'est une fois l'an, quoi. Hein, donc voilà, on se laisse aller en période de fête en plus. et c'est la période, donc voilà. En plus, c'est du belge, non ? Je suis avec Yann Mas, vous êtes un boucher professionnel. Vous vendez beaucoup de chevreuils pendant cette période ? Dans la période de fin d'année, on en vend beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Le reste de l'année, ben, on n'a pas. Donc c'est juste 6-7 semaines par an qu'on vend. Des fois encore jusqu'au 15 janvier et après on arrête avec ça. C'est du chevreuil belge ? Du chevreuil belge, oui. On n'a pas partout, mais ça c'est du chevreuil belge. Vous le trouvez comment ? Des gens qui vont chercher pour moi, ils sont spécialisés dedans. Moi, j'ai fait la demande et parce que je n'en ai pas toujours. Je n'ai pas par contre 20 kilos semaine, donc je peux vendre ce que j'ai. Parce que c'est vrai, 45 euros le kilo, il n'y a pas photo, tu es obligé de demander ça. C'est du gibier du pays. Les syndicats du rail maintiendront-ils le préavis de 5 jours de grève au mois de janvier ? Vendredi, le gouvernement a proposé de désigner des conciliateurs sociaux à condition que le préavis de grève soit levé. La décision de la CGSP et de la CSC Transcom n'est pas encore connue, mais aujourd'hui, Michel Abdissi, président de la CGSP Cheminot, lève un coin du voile. La CGSP pose elle aussi ses conditions. Le préavis de grève sera levé si la direction accepte de repartir d'une page blanche dans les négociations. Nous sommes, je dirais, toujours dans la même vision du dépôt d'un préavis de grève. Il est prévu maintenant qu'un médiateur soit prévu par le gouvernement à la condition de suspendre le droit de grève. Nous, à cette demande, nous demandons clairement de redémarrer sur une page blanche, que tout ce qui a été décidé à la commission paritaire soit supprimé, que même ce que Mme Galland a fait au niveau de la modification de la loi pas plus tard que vendredi soit aussi biffé. Chacun ses conditions, quoi. Chacun ses conditions. Donc on a l'impression que au niveau de la direction, on a pris le ballon et on l'a lancé dans le camp des syndicats pour voir facile. Un incendie s'est déclaré à la Bastille de Blanche. C'est un home pour enfants en difficulté situé à Châtelet, près de Charleroi. Le bâtiment était en rénovation et donc vide de tout occupant. En septembre dernier, un précédent incendie avait déjà ravagé le bâtiment. Averti des faits, la police a ouvert une enquête. La piste criminelle est retenue par le parquet de Charleroi. Atterrissage d'urgence ce matin pour un avion d'Air France. L'avion qui reliait l'île Maurice à Paris s'est posé à Mombasa au Kenya. Pourquoi cet atterrissage d'urgence ? Parce qu'un objet suspect a été retrouvé dans les toilettes de l'avion. Le Boeing 777 qui avait 459 passagers et 14 membres d'équipage à son bord a pu être évacué sans mal. Des experts artificiers ont récupéré l'engin. Ils déterminent en ce moment même si ses composants contiennent ou non des explosifs. L'imagination sans borne des terroristes pour se cacher. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire du meuble. Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe, pourrait avoir échappé à la police caché dans une armoire. Aujourd'hui, le Parisien dévoile des détails de la traque d'Abdelhamid Abaout. Abdelhamid Abaout, le cerveau présumé des attentats de Paris, serait resté caché plusieurs jours, caché dans un buisson, Simon Gérard. Oui, quelques heures seulement après les attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud rejoint une planque. Elle se trouve dans une zone d'entrepôt à Aubervilliers. C'est en banlieue parisienne. Abdelhamid Abaoud y a trouvé des fourrés. Il vivra là durant 4 jours et 3 nuits comme un SDF. Alors, il aurait pu rester visiblement là plus longtemps, mais le 16 novembre, les policiers récoltent un témoignage décisif. Abdelhamid Abaoud est bien planqué dans ce bosquet. Mais les policiers veulent le voir pour le croire. Tout le monde pense à ce moment-là qu'Abaoud est en Syrie. Les enquêteurs installent donc une caméra et le lendemain, le 17 novembre à 20h13 précise, Abaoud sort de son buisson et plus de doute, c'est bien lui. Alors la question, pourquoi on ne l'a pas arrêté là ? Parce qu'Abaoud porte un gilet, le vêtement est plutôt large. Les policiers ont peur qu'il porte sur lui une ceinture explosive. Et puis les enquêteurs craignent qu'il y ait d'autres commandos, ils veulent donc remonter la filière. Les policiers suivent donc discrètement Abaoud. La traque se terminera à Saint-Denis quelques heures plus tard. Le raid lance l'assaut, Abaoud meurt dans la fusillade. Et puis les enquêteurs inspectent la téléphonie des terroristes présumés. Et le soir des attentats, eh bien, ils auraient été en contact avec des numéros belges. Le fameux Jawad, l'hébergeur, a lui aussi été en contact avec un numéro belge 10 jours avant les attentats. Un retour en politique qui va faire du bruit. Le bouillonnant Bernard Tapie annonce dans la presse ce matin qu'il va refaire de la politique pour faire échec à la montée du Front National. Il veut aussi reprendre son combat en faveur de l'emploi des jeunes. L'homme d'affaires vient pourtant d'être condamné à rembourser les 404 millions d'euros qu'il avait reçus lors de la revente d'Adidas. Bernard Tapie présentera d'ici fin janvier un premier projet pour la remise en activité de tous les jeunes de 18 à 25 ans. Élection en Espagne, élection qui devrait ouvrir une nouvelle étape politique. Le Parti populaire et le Parti socialiste perdraient leur hégémonie. Désormais, Podemos et Ciudadanos leur disputent les premières places. Reportage de Marie-Paul Genome et Patrice Hardy. Selon les sondages, pour la première fois, ces quatre partis récolteraient entre 15 et 30% des voix. On s'oriente donc vers un terrain inconnu ici en Espagne, celui des coalitions au niveau national. Et reste l'inconnu des possibles alliances, elle est dans l'esprit de tous ce matin. Allez voir sur le net, c'est vrai, c'est vrai. Donc il faut faire exploser le compteur. On compte sur vous. Il y a le call center qui est disponible. C'est un numéro gratuit. C'est le 0800. C'est un numéro gratuit. 0800 30 007. Vous savez quoi? Moi, je parle plus fort que vous ici dans le studio de Vert. C'est le groupe Moustique qui fait son soundcheck. Mais quand les micros sont ouverts, eh ben ça fait du bruit. On fait un petit point sur les dons si vous êtes généreux, mais vous pouvez mieux faire, j'en suis sûr. On se mobilise tous ensemble autour de la cause. Les plus gros dons pour un disque. Que nous avons reçu ce dimanche deux dons de 2 500 euros. 2 500 euros et déjà 8 dons de 1 000 euros. Rien que pour aujourd'hui, vous vous rendez compte? Et disques les plus demandés aussi, c'est toujours Yves Duteil, comme l'année dernière, Prendre un enfant par la main. C'est le titre numéro 1 depuis 3 ans d'ailleurs de Viva for Life. On a aussi beaucoup de demandes pour Ensemble de Pierre Absat, Le portrait de Calogero, Imagine de John Lennon et L'aigle noir de Barbara. Sans doute l'effet Patrick, c'est lui qui nous a enfermés ici ce jeudi soir. Donc je rappelle les moyens pour se mobiliser. C'est la journée de la solidarité, c'est Viva for Life. Donc on est là, on prend son téléphone. On se connecte, on va sur le site vivaforlife.be ou alors on compose le 0800 30 007 avec de nombreux bénévoles qui vous attendent. Il y a le SMS aussi, si vous êtes pressé, vous voulez pas trop parler à des gens, 40 01, numéro gratuit, vous démarrez par votre numéro de compte, un espace et puis le montant que vous voulez verser à l'opération. Et venez ici, place de la digue, il y a de l'ambiance, on verra pourquoi dans quelques minutes. Il y a des goodies, il y a le Teddy qui a changé de tête. Cette année, il a grandi, il est un petit peu plus grand avec le casque sur ses oreilles. Nous avons le sac à dos aussi, bref, vous avez tous les moyens pour participer à l'opération. On compte sur vous. Viva for Life. sont les femmes ? Demandé par Grégory à Molenbeek, qui est vraiment à la recherche d'une femme. Il se demande où sont les femmes ? 40 euros pour Viva for Life. Merci Grégory et merci pour cet excellent choix musical. Nous avons beaucoup de monde ici, place de la Digue. Faites du bruit ! Ouais ! Oh, oh, oh. Expliquez-nous, nous avons le représentant à la boîte aux lettres, expliquez-nous votre opération. Eh bien, on est parti ce matin à 11h et on a rallié la place de la Digue en faisant une étape à Montigny-sur-Sambre. Oui, vous êtes parti de où ? On est parti de Châtelineau. Dites donc, ça fait combien de kilomètres ça ? Au total, ça fait un bon 13 kilomètres. 13 kilomètres, et vous étiez combien à participer ? On était 150 plus ou moins, oui. 150, et donc il y a plus de 150 personnes ici, place de la Digue ? Oui, oui, oui. Et tout ça pour récolter un maximum de sous, j'imagine. Oui, oui, je pense que l'UAC a montré qu'on avait du cœur, puisque nous avons récolté 4500 euros. 4500 euros, grâce à vous. Grâce à vos guibolles. Waouh, félicitations, on peut applaudir bien fort, place de la Digue. Félicitations, et ça va, pas trop de crampes, etc. Vous allez boire un bon coup maintenant. Oui, je pense qu'on va passer aux choses sérieuses et on va se ressourcer. Merci, gros bisous, félicitations. Merci. Et ça tombe super bien, c'est la journée de la solidarité. Et il y a aussi un défi, c'est le Swim for Life, ici dans une piscine juste à côté de Place de la Digue. Faire 1000 km en nageant, on aura des nouvelles évidemment dans quelques temps. X Ambassadors, Renegades, proposé par David à Villers-la-Ville. 50 euros encore. Super, merci. D'entendre sur Vivacité, c'est le principe de Viva for Life. Continuez, vivaforlife.be ou via le call center 0800 30 007. On marque une courte pause et puis on va parler du défi soupe organisé ici, place de la Digue, avec Candice Cotter. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah de Padua, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télé-Sambre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télé-Sambre. Viva for Life, en direct de la place place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, La Une, Télécembre et vivaforlife.be. Toujours pas de cadeau de Noël idéal? Chez MediaMarkt, vous trouverez le plus grand choix. Choisissez et commandez maintenant sur MediaMarkt.be. Rendez-vous dans votre magasin préféré et payez votre commande directement à la caisse. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Tu sais pourquoi on a gagné à Waterloo? Attends, vous avez eu de la chance et tout. Oh, c'est français. Viens avec moi, tu vas vivre une expérience époustouflante. Le nouveau mémorial, la butte du Lion, le panorama, la ferme de Goumont, le dernier QG de Napoléon et le musée Wellington. Venez les visiter en famille grâce au pass 1815. Info sur visitwaterloo.be. You too, go to Waterloo. Avec vivacité. La SWDE, c'est la Société Wallonne des Eaux, un endroit aussi excitant que le FBI. Ouais, bon, plus sérieusement, sachez qu'ils font un boulot important. J'ai remarqué que si on passe 125 jours sans se laver ni boire, eh bien, on se sent moins bien. En plus, s'il y a un souci ou des travaux sur le réseau des eaux, allez sur swde.be et ils vont vous dire quoi faire. Comme par exemple, ne jamais boire l'eau quand elle est brune. Honnêtement, c'est pas bon. Je sais pas ce que je pourrais offrir pour l'anniversaire de ma femme. Va sur localisi.com, tu y trouveras tous les produits qu'elle aime. Ah oui, ce site avec tous les commerçants de notre région. Oui, et avec toutes leurs offres spéciales et avis de la communauté Localisi. Allez, j'y vais. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Je suis un homme plein d'ambition. Vivacité présente Viva for Life, volume 3. La double compilation avec toute la musique de Vivacité. Ed Sheeran, Pascal Obispo, Marina Kaye, Milky Chance, Loïc Notet, Sia, Frérot de la Vega. Viva for Life, volume 3. 40 titres, la compilation qui a du cœur. Au profit de Viva for Life. En vente partout et sur la boutique RTBF. I'm gonna get that rhythm back. Tous les jours, tout cet amour, si tu savais, toutes ces larmes qu'on ravale. Soutenez Viva for Life au 0800 30 007. Chérie, non, arrête ça tout de suite. C'est super bon, excellent. C'est pareil tous les dimanches. Non. Repose le matin. Encore une page, allez, juste une. Cette dimanche, votre journal riche en infos croustillantes, actu, people, résultats sportifs et tous les bons plans évasion du dimanche. Gratuit en boulangerie et commerce de proximité. Cette dimanche, le journal qui se dévore. Vous le savez, de nombreux défis sont organisés demain vers 13h sur la place de la Digue. Candice Cotter, ce sera bien donc demain, lundi, le 21 décembre. Candice sera là, elle s'installera dans un des chalets Viva for Life pour préparer une soupe populaire. Avec les membres de son atelier de céramique, Candice mettra également en vente une série limitée de bols faits main en argile et émail, chacun dans un pack contenant les épices et une fiche recette nécessaire à la réalisation de la soupe. On vous y attend donc nombreux. Vous avez le choix, soit vous prenez que la soupe, soit que le bol, soit les deux à la fois. Évidemment, les prix varient. Autre défi soupe aussi, c'est retour dans les chalets de Viva for Life de Gérald Watley et Adrien de Viveur. On sait que vous êtes nombreux à les aimer. Ils seront là demain aussi pour réaliser leur fameuse crème de cresson copeau et estoumat de jambon d'Ardenne, servi aux invités du gala Un gars, un chef. C'était en novembre dernier à l'IPES à Wavre, un mois plus tôt donc. Une soupe vendue place de la Digue à Charleroi, ici au profit de l'opération, dès 11h demain. Il n'est jamais trop tôt pour boire la soupe, c'est juste avant le repas en plus, donc ça tombe bien. Soupe aussi, rendez-vous demain à partir de 11h. Ici, place de la Digue à Charleroi, venez nombreux. Gérald Watley, Adrien de Viveur et puis Candice Cotter. Bref, que du bon monde, que du beau monde. On vous y attend nombreux. On vous attend nombreux aussi au call center. Allez téléphoner maintenant, 0800 30 007. Partagez la musique que vous aimez en échange d'un don. On est là aussi sur vivaforlife.be par SMS au 4001. Démarrez votre message par votre numéro de compte, un espace et puis le montant que vous voulez verser à l'opération. Cette femme est un héros qu'on voit pas dans les journaux, qui porte comme un fardeau 3 kilos de trop. Cette femme est un héros qui a le moral à zéro, perdu dans les idéaux d'un monde macho. Elle met ses mains dans l'eau, la vaisselle aura sa peau, mais trop bas sur le lavabo lui casse le dos. Elle rêvait d'un boulot, mais ils n'ont qu'une seule auto, c'est lui qui s'en va très tôt, parfois sans dire un mot. Où est l'amour qui lui donnait des ailes, soit fidèle? Elle avait d'autres projets dans la vie, mais pourquoi c'est toujours elle qu'on oublie, qu'on oublie? Cette femme est un héros, un héros. Cette femme est un héros. Ventre devient lourd, son souffle est un peu plus court. Elle sait que dans quelques nuits, elle donnera la vie. Elle se voile pas la face, personne d'autre dans la glace ne pourra, quoi qu'on y fasse, le faire à sa place. Alors ce soir, elle ne compte que sur elle. Elle sait que personne n'est éternel. Et ça lui fait peur, elle va donner tout ce qui reste d'elle. Mention sur Viva, cette femme est un héros, proposée par Fabienne à Bièvre. 50 euros pour Viva for Life, pour rendre hommage à toutes ces mamans qui font tout pour que leurs enfants ressentent le moins possible la différence due au manque de moyens financiers. C'est un beau message. Fabienne est donc passée via le site vivaforlife.be. Faites-en de même, vivaforlife.be, et partagez la musique que vous aimez. Depuis la place de la Digue à Charleroi, c'est Viva for Life jusqu'à mercredi soir avec Mousti qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Dans le studio de Vert, ça va, vous sentez bien? Il ne fait pas trop chaud? Non, il fait très bon, c'est parfait. C'est parfait, vous êtes bien. J'aimerais bien même revenir dormir ici avec vous, en fait. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est possible. Nos chambres sont juste au-dessus du studio de Vert, oui. C'est non. Parce qu'on est déjà bien vous êtes les déjà trois. Trop serré, oui. Donc, non, c'est gentil, mais. Gousti, de ton vrai nom, c'est Thomas Mustin. Tu as 25 ans, vous avez 25 ans. Vous êtes acteur, oui. Auteur, compositeur et interprète. Vous avez fait l'IAD aussi. C'est ça. Et pourquoi passer du théâtre à la chanson? Je pense que l'un sert l'autre à fond. Pour le live en musique aussi, ça m'aide vraiment d'avoir une formation d'acteur. Et je pense que les deux sont vraiment liés. Quoi. Je peux pas considérer l'un sans l'autre, en fait. Donc, c'est ça qui est lié aussi, c'est voir qu'une discipline serve à l'autre, en fait. Mousti a contribué aussi à la réalisation de A tort ou à raison. Tu peux nous en parler? C'est la série sur la RTBF. Oui, il y a cette série-là. Quand je suis sorti de l'école, c'est un des premiers projets dans lequel j'ai joué. Mm-hmm. Et puis là, il y a une autre série aussi sur la RTBF, donc, qui s'appelle La Trêve, qui va sortir début 2016. Donc oui, assez lié. J'ai souvent des projets en lien avec la RTBF. Donc, mais La Trêve, ça risque d'être une très très bonne série. Ça sort en février, je pense. Je pense aussi. J'imagine que c'est très différent aussi de composer pour une série que d'être en concert, sur scène, ou de préparer un album. Le travail d'acteur, c'est quand même assez c'est différent, mais après là où il y a vraiment un lien, c'est avec la scène, le live en musique, quoi. Parce que là, pour moi, il y a une part de jeu, il y a une part d'interprétation, et c'est là qu'il y a des points communs. Mais effectivement, le travail du studio, c'est beaucoup plus un travail solitaire, quoi. Mm-hmm. On compose chez soi, et puis après on rencontre, on va essayer de partager ça le plus possible avec les gens, quoi. Et quelle discipline tu préfères? La comédie, enfin le jeu d'acteur, ou alors la musique? Ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Je peux vous dire une chose aujourd'hui, mais demain je dirais autre chose. C'est vrai. Si je fais pas de musique pendant X temps, ça me manque. Et puis si je fais pas de cinéma pendant X temps, ça me manque aussi. Donc je crois vraiment que les deux se complètent très fort, quoi. 25 ans, Thomas, c'est très jeune. Et t'arrives à vivre de ça? Tu en fais ton métier? Deux métiers, du coup. Oui, voilà, c'est aussi grâce à ça, entre guillemets, que je peux vivre de ça pour le moment. Et de passer de l'un à l'autre, c'est vraiment ça qui me passionne, quoi. Tu es là avec, vous êtes là avec votre groupe Mousti. Oui. Pourquoi Mousti? Ça me fait penser à Cubi, notre chat aussi. Il aurait pu porter ce nom-là. Mousti, oui. Mais c'est le nom d'un chat aussi. Oui. En fait, c'est mon nom de famille, tout simplement. Il ne faut pas chercher très loin. Je m'appelle Thomas Mustin, et donc c'est vraiment le nom. C'est une déformation de mon nom, en fait. Parce qu'on m'appelle souvent par mon nom de famille. Donc je me suis dit, depuis que je suis tout petit, autant garder ce nom-là, en fait. Allez, Mousti, lâche-toi alors avec les copains. Vous allez nous proposer un set acoustique. La chanson? C'est de Golden Age. Golden Age. Oui. Et l'album est prévu bientôt? Il y a un EP qui sort en février. On fait la sortie de l'EP au Botanique le 11 février prochain. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir faire la fête avec nous le 11 février. Un talent bien de chez nous encore, c'est Mousti. Tous les renseignements sur le net, évidemment. Un set acoustique, une chanson. Thomas et les copains, c'est à vous. Merci. Ils s'installent ici dans le studio de Vert. Et il y a du monde, place de la Digue. Jouer à travers une vitre, je suis sûre que c'est une des premières pour Mousti, évidemment. Tout est prêt, tout est en place. Allez, c'est parti. I've heard my girl is in between the legs of another. I've heard she's back in town with a big black guy. What I need right now is drugs and pills and my mother. I'm gonna drive to find that fucking busy hoe. Well, I keep going on, going on, the speed of light. And I keep dreaming of you by my side. I can't decide for us, you know I'm a leader. This is the golden age of love, I'll prove it, baby. I'm gonna kill you, guy, in front of you in a mirror. Will be shining as your golden tear. Well, I keep going on, the speed of light. And I keep dreaming of you by my side. 'Cause I am leaving on. Fading away, but we made a deal. Is it something you can feel? Merci beaucoup. On attendait, on se demandait si c'est un break dans la chanson ou c'est réellement fini. Bravo Mousti. Merci. Félicitations, c'était vraiment super. Et bonne continuation, merci d'être passé par le studio de Vert ce midi à Charleroi. Gros bisous et bonne continuation. Le EP, hein, la chanson sur un disque est prévu pendant le mois de février. Donc rendez-vous sur le net. Mousti, bravo les gars. On marque une pause et puis il y a plein de Papa Noël qui s'invitent ici place de la Digue. Ils ont des looks, mais je vous dis pas, ils ont des looks de motards. D'ailleurs rendez-vous sur vivaforlife.be pour nous suivre en streaming. À tout de suite. En télé sur la une, du jeu, des surprises, de la bonne humeur, de la générosité débordante, vous allez le voir, c'est Noël avant l'heure. Quand on rassemble une bande d'académiciens plus déjantés les uns que les autres, il faut s'attendre à passer une soirée inoubliable. Maureen est aux commandes d'une Académie des Neufs 100% belge, dimanche soir sur la une. Aujourd'hui, autour du cube de verre de Viva for Life. Rendez-vous dès 18h30 pour participer à l'émission télé en direct sur la Une. Et ensuite, le podium de la place de la Digue à Charleroi accueille Lost Frequencies. Jali, Jane, William Danker, Roberto Bellarossa. Venez les applaudir et soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la en live. Liquidation totale avant déménagement chez Timistère à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timistère, Outrecours à Herve. C'est moi, Hip, et spécialement pour les fêtes, votre hypermarché Carrefour sera ouvert ce dimanche 20 décembre, avec une offre à ne pas rater. Par tranche d'achat de 100 euros, recevez un bon d'achat de 15 euros. Bam ! Ne manquez pas ça, c'est seulement ce dimanche. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Viva for life. Jusqu'à 14h. Avec Sarah Depadua. En direct depuis la place de la Digue, on n'a pas changé, on reste là jusqu'à mercredi soir. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Est-ce qu'on peut avoir du bruit, place de la Digue? Est-ce que vous êtes là? Ouais, à nous. nous suivre en streaming aussi. N'hésitez pas à vous connecter, c'est vivaforlife.be avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 Papa Noël qui sont venus nous rendre visite. Bonjour. Bonjour. Bonjour les Papa Noël. Et pourquoi ce look un petit peu décalé avec des casques de moto, des lunettes, de loupards, etc. Parce que nous faisons partie du Vespa Club de Charleroi. Vespa Club de Charleroi, super. Vous êtes combien dans combien de membres dans votre club? Combien? Plus ou moins? Une soixantaine. Une soixantaine. Et vous avez réalisé un défi pour Viva for Life? Non. Non, pas spécialement. On va venir vous voir. Oui, mais on va y songer. Hein. Et mettre des sous dans la boîte. Ah, oui, mettre, on va y surtout. C'est sûr, c'est okay. sûr. Et pourquoi Papa Noël? Parce que forcément c'est Noël, mais pourquoi 25 comme Greg, ça vous êtes déguisé comme ça? Parce qu'on voulait faire une petite balade. Okay, ah ben place. Super, il fait bon, hein. Oui. Mais pour les Vespa, c'est top. On se croirait au printemps. Ouais. Merci d'être passé. Donc vous mettez des sous. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas. Dans la boîte aux lettres. Allez. De Viva for Life. Merci. On va faire une collecte. Gros bisous. Et vous le savez, nous sommes là en direct 24h sur 24 sur vivaforlife.be, je vous le disais, avec le best-of sur la Une Télé à 18h30, sur la Une Télé à partir de minuit jusqu'à 11h du matin, et puis sur Télé-Sambre aussi, forcément, vivaforlife est toujours en direct sur ViaCité et sur Télé-Sambre. Également pour tous ceux qui habitent la région de Charleroi, c'est à partir de 11h jusqu'à 18h, non-stop en direct, et en plus, on rediffuse l'émission télé aussi sur Télé-Sambre, si vous n'êtes pas là à 18h30, pile au taquet, pour regarder l'émission le best-of sur la Une, rendez-vous sur Télé-Sambre à partir de 22h30. La musique a du cœur, c'est vous qui la choisissez avec Richard et Josette. Ils sont à Écossine. Ils ont mis des sous dans la cagnotte de Viva for Life, 50 euros. Ils ont demandé cette chanson, culte évidemment, signée Twee Belgen. C'est Léna. On va passer encore un bon moment. Merci à vous. Continuez 0800 30 007. Dylan sur Vivacité. Jean-Marc Dessert, notre Tintin reporter. Jean-Marc, vous êtes pas loin de la place de la digue finalement, au call center NLO. Tout à fait, Sarah, je suis de retour ici à NLO, donc comme vous le disiez, à Gosselies, avec à mes côtés Philippe qui est responsable CAP 48 pour la région de Charleroi Sud du Hainaut. Et vous aussi, vous êtes bénévole ici, vous êtes au téléphone pour récolter des dons. Tout à fait, mais c'est ce qu'on essaie de faire avec nos bénévoles justement de CAP 48, c'est essayer de les sensibiliser à Viva for Life et surtout de la zone Charleroi, le Sud Hainaut. Mais ils sont au call center, ils sont sur la place de la digue, mais ils sont aussi dans des événements tels qu'Achimé, Vélo for Life et compagnie. Donc c'est une grande famille de bénévoles et on est sur le terrain. La cause le mérite en tout cas. Ça se passe comment depuis ce matin? Ça téléphone encore plus qu'hier? Alors, ça marche très bien. Et moi, on peut comparer finalement une journée par rapport à l'autre et par rapport au dimanche l'année dernière. Il y a beaucoup plus d'appels c'est bon signe. Les gens sont très sensibles, racontent beaucoup de choses aussi. Donc, il y a un tas de petits messages qu'ils essayent de nous faire passer et les gens sont finalement pris aux tripes par la misère du secteur de la jeunesse. Vous êtes belles histoires comme ça qui se passent au téléphone. On en a déjà eu l'occasion d'en raconter quelques-unes. C'est la deuxième année, je pense, que vous êtes ici au call center. Vous avez des histoires à nous raconter? Mais ce sont souvent des personnes isolées qui sont très sensibles à la cause de la petite enfance. Donc ils vivent eux-mêmes une solitude et comme je crois que l'époque des fêtes de fin d'année rend les gens encore plus sensibles à ce manque de chaleur humaine, de convivialité, de vie familiale. Et voilà. Et le secteur de l'enfance a réellement besoin de soutien de la population. Donc si vous voulez parler à Philippe et à tous les autres, hein, tous les autres bénévoles qui sont ici derrière moi au call center NLO, il y a une chose à faire, un seul numéro de téléphone informé, on vous le rappelle, le 0800 30 007. Et puis on le rappelle, hein, c'est aussi déductible pour les impôts, Philippe. Voilà, tout à fait, hein, à partir d'un don de 40 euros. Ou plus, hein, parce qu'il faut être généreux. Hein. Et souvent même, je voudrais rajouter ceci, en cours de communication téléphonique, les gens font un don supérieur à ce qu'ils imaginaient faire au départ. Donc, faites-le. Faites-le, et c'est pour la bonne cause. On ne le rappellera jamais assez. 0800 30 007, Sarah. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et vous savez quoi, c'est très bien d'avoir donné la parole à Philippe, parce que nous, on est trois ici enfermés dans le studio de Vert. Mais merci à tous ces bénévoles qui nous accompagnent et qui donnent de leur temps. On est dimanche, ils pourraient passer du temps en famille. Ils sont là pour décrocher vos appels. Donc, la moindre des choses, c'est d'appeler le 0800 30 007. Merci. On marque une pause et puis on a rendez-vous avec Eddie Mitchell. Viva for Life, avec nos partenaires. CCML Show soutient Viva for Life. Pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Envie de réussir vos repas de fête? Foncez chez Kitchen Market et ses 2000 ustensiles Alice Délices, pratiques et pas chers. Des idées plein la cuisine. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de frésia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. So friendly. Des retrouvailles, des sourires, des émotions et un Pinot des Charentes. Pinot des Charentes, à partager tout en sagesse, blanc, rouge ou rosé. Alors qu'aujourd'hui, on se souhaite joyeux Noël sur Internet et que l'on fait de plus en plus ses courses online, Colishop présente le retrait offline. Le retrait offline, bon ben, c'est la même chose qu'un retrait normal, non? Oui, dans l'un de nos 350 points d'enlèvement. D'accord, donc si j'achète un wok pour ma femme online, je peux aller le chercher moi-même pour lui faire la surprise. Oui, et marquer des points. Qui c'est qui sera traité aux petits oignons? C'est moi. Ah, vénard. Colishop, c'est commander online et retirer offline. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Avec la banque CPH, prenez le temps de la météo. Banquecph.be. Viva for Life. Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Flair, il faut le flair. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur, partageons-la. Je marche seul le long. nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. On allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir Tu restes la vie de ma vie. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Le choix de Richard et Josette à Écossine, 50 euros pour Viva for Life. Vous savez quoi, c'est très émouvant parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir ici Place de la Digue, à verser des sous dans la boîte aux lettres. Les enfants sont nombreux aussi. Et gros bisous à Lucie et Jérémy qui habitent Velluy. Alors ce matin, ce sont mes voisins. Ils ont réveillé toute la rue, sonné du porte-à-porte pour récolter un maximum de sous. Et donc ils viennent de déposer les sous dans la boîte aux lettres. C'est trop sympa. Et gros bisous à Hector et Erin aussi, Lucie et Jérémy. C'est vraiment beaucoup d'émotions et c'est génial. Et c'est pas terminé. Quelque chose me dit que c'est pas terminé. On compte sur vous. Et on est là, on se mobilise tous pour une seule cause. C'est pour ces 80 000 enfants qui ont besoin de nous, besoin de vous. Les associations aussi qui sont sur le terrain, Bénédicte Duval. Effectivement. Et nous avons par téléphone Laura Masson qui a deux enfants. La maman de Gabriel, 2 ans, et Lucia, 3 mois. Ils ont fait appel à l'association Enfance et Jeunesse en Marge qui offre une halte d'accueil pour les petits axée sur la socialisation, le soutien à la parentalité. Les enfants sont accueillis durant la période de formation des parents. Il y a une collaboration avec le CPAS pour l'accueil des familles, les familles défavorisées. C'est un projet que Viva for Life a financé. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous avez vécu des moments difficiles, une situation compliquée, mais vous avez fait appel à Enfance et Jeunesse en Marche et votre fils a pu se rendre à la halte d'accueil de la SBL. Est-ce que c'était important pour vous? Oui, bien sûr. Pour quelles raisons? Ben, comme je l'ai expliqué, je veux dire, c'était important pour nous. Comme ça, Gabriel a pu se sociabiliser avec d'autres personnes, d'autres enfants et aussi d'autres adultes. Et aussi, ça a été important pour nous, pour que mon compagnon et moi puissions continuer à travailler et moi pour que je puisse continuer ma scolarité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette association qui a pu vous aider, notamment en s'occupant de Gabriel? Ben merci, simplement, voilà. Merci. Sans cette aide, ça aurait été encore plus compliqué pour vous? Oui, ça aurait été compliqué parce que même si on a nos parents derrière nous qui sont là pour les petits, ben je veux dire, ils ne sont pas toujours... C'est pas toujours possible d'être présent, donc heureusement qu'il y a une garde derrière qui peut accueillir nos enfants. On rappelle, hein, Sarah, l'importance des lieux d'accueil pour ces enfants qui leur permettent de rencontrer d'autres enfants, de participer à des jeux et souvent de se préparer à l'entrée à l'école maternelle en téléphonant, en soutenant Viva for Life. Non seulement on améliore la vie des bébés, mais en plus on leur donne une vraie chance pour l'avenir. Votre geste fera la différence. Appelez le call center NALO 0800 30 007. On est là, on fait la fête, Viva for Life. Vous êtes généreux, mais l'heure est grave. Ces enfants sont là, ils sont 80 000. Il faut agir maintenant. On est là pour ça aussi. Le 0800 30 007. Il y a aussi le site internet, Bénédicte. VivaForLife.be et le SMS aussi au 4001. Vous tapez votre numéro de compte, suivi d'un espace, suivi du montant que vous souhaitez donner. Votre argent ira à des associations. On a besoin de vous pour pouvoir aider ces associations et donc pouvoir tout aider tous ces enfants qui en ont réellement besoin. On compte sur vous. Avec Kenji aussi. Et avec une sauce frite. Vous savez ce que c'est, Bénédicte, non? La sauce frite de Kenji Girac. Non, pas trop. Andalouse. Sa chanson Andalouse, qui figure d'ailleurs sur la compile. Le franc n'était pas tombé. Kenji Girac. Tu viens le soir danser sur des airs de guitare. Et puis tu bouges tes cheveux noirs, tes lèvres rouges. Tu te balances. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. J'ai comme une reine, ton corps ondule. Déjà mes pensées se bousculent comme la lumière. Il n'y a que toi qui m'éclaire. Tu as dans la voix le chaud et le froid. Je t'ai dans la peau. Chanson qui plaît évidemment aux enfants, Kenji Girac, Andalouse. Kenji, c'est Micheline à clavier, 40 euros, yes, au profit de Viva for Life. Pas mal d'animations ici, place de la Digue à Charleroi, vous êtes nombreux et c'est normal parce qu'il y a un très beau marché Noël. La place de la Digue est toute refaite, c'est juste magnifique et donc vous êtes nombreux à venir déposer des sous dans la boîte aux lettres. Pas mal d'animations, là il y a un kicker géant qui se prépare avec certains membres des Zèbres, évidemment à Charleroi. Et puis ce soir, certains vont mettre le feu sur le podium. C'est fait aider par Pascal Obispo, c'est Roberto Bella Rosa qui sera là avec notamment My Girl. Un autre aussi au rendez-vous. Hey, y a trop pas d'aller boy. Tournez sur le boy. William Dunker sera là. Hey, il va mettre le feu, ça c'est sûr. Il y aura Broken Brack, il y aura pas mal d'animations avec aussi à 22h Eric Boschmann qui sera là dans un chalet ici, place de la Digue, à partir de 22h. Il va vous servir des vins, etc. Des vins de bon cru, forcément, monsieur s'y connaît. Et puis n'hésitez pas aussi, vous êtes là, place de la Digue, vous allez venir nous rejoindre, vous pouvez acheter tous les goodies Viva for Life. Le nounours Teddy qui a mûri un petit peu lui aussi, il est devenu brun, il a un casque sur les oreilles, il y a la compile Viva for Life, un triple CD. Et puis il y a le pins, le papillon, etc. Bref, tous les moyens sont bons pour participer à la cause, la compile volume 3, 3 volumes avec tous les meilleurs morceaux de Vivacité. Soyez originaux aussi dans les demandes de disques, on est là, la musique a du cœur, forcément, vivaforlife.be 0800 30 007. Vous tapez la musique que vous avez envie d'entendre en échange d'un don, ou alors vous téléphonez, les bénévoles sont là pour vous accueillir et vous dites voilà, je veux écouter telle ou telle musique, des morceaux qu'on n'entend pas forcément à la radio, on est là pour les trouver, c'est notre job. Bref, faites-vous plaisir pour la bonne cause. Tina Turner, ah ça, on se fait plaisir évidemment, et c'est surtout Valérie à Maugimont qui s'est fait plaisir. 50€ pour l'opération Viva for Life, parce que depuis 3 ans, elle nous écoute, elle nous regarde et elle s'amuse toujours autant. Excellent, merci. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. Un petit goût trop peu pour Tina Turner, mince. Et vous savez quoi, c'est la faute de la pub. Oh, c'est pub quand même. Ce soir, dans le cube en verre de Viva for Life, c'est soirée vinyle. Pour retrouver le son de votre jeunesse ou celle de vos parents, faites un don sur vivaforlife.be. Et dès 22h, sortez votre costume à paillettes et grimpez sur le dance floor. Avec Sarah et les animateurs de la RTBF. Imaginez descendre dans les galeries d'Infor et y rencontrer le Père Noël. Vous ne rêvez pas, ça se passe au Fort de Barchon tout ce week-end. Une cinquantaine d'artisans et d'associations participeront à ce marché de Noël féerique et original. Noël au Fort, à Barchon, c'est 18, 19 et 20 décembre. Entrée 3€ seulement, avec Riavec et Fils. Réchauffer et griller vos plats, c'est désormais facile avec le fer à friser. Une puissance de 900 watts, un plateau rotatif révolutionnaire et des commandes simples avec le fer à friser. Toute la famille cuit et réchauffe de délicieux plats. Nous transformons votre vieux micro-ondes en nouveau fer à friser. Mais pour cela, il vous faut d'abord le déposer au magasin ou au parc à conteneurs. Découvrez tout à propos de votre petit électro sur récupel.be. Récupel, pour un environnement de qualité, recyclons.